إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا إن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، مرحبا بكم ce soir dans la salle avec nous dans le درس de la عقيدة، شرح العقيدة الواسطية بإذن عز وجل. Religion tellement رحمه الله il a consacré tout son temps à l'islam, tout son temps. Tellement il l'a consacré tout son temps qu'il n'a même pas eu le temps de se marier. Il n'a même pas eu le temps de quoi ? De se marier. Au point où, quand il arrivait à des endroits, par exemple, il arrivait à une ville, par exemple, où il y avait sa mère, de la ville où il y avait sa mère, il lui envoyait une lettre. Tellement il n'avait pas peut-être 2 ou 3 minutes de libre. Ensuite, Cheikh Ibn Uthaymeen a expliqué ce livre. Cheikh Ibn Uthaymeen, comme vous savez, c'est quelqu'un qui zahada fi dunya, il s'est éloigné de ce bas monde. Il s'est éloigné au maximum de ce bas monde. Ensuite, c'est quelqu'un qui a été très, très influencé par Cheikh Islam Ibn Taymiyyah. C'est pour ça que Quand vous lisez Ibn Uthaymeen, c'est comme si vous lisiez Ibn Taymiyyah alayhi rahmatullah. Tellement, il était un asset, quelqu'un qui a ses vides spécialement pour le dinara. Et, je disais, quand vous lisez Ibn Uthaymeen, c'est comme si vous lisiez Ibn Taymiyyah alayhi rahmatullah. Ensuite, Cheikh Ibn Uthaymeen alayhi rahmatullah aimait beaucoup, beaucoup la sunna. Aimait beaucoup la sunna et aimait beaucoup faire des recherches, etc. D'ailleurs, même les ulama de son époque disaient de lui que c'était un mujtahid. Disaient qu'il avait, Allah lui a donné une manzila, un degré très haut. Très haut, alhamdulillah. Il aimait le prophète sallallahu alayhi wa sallam au point que des fois, il allait faire la prière du subh. La prière du subh, il allait la faire pieds nus, n'âme. Il marche, sa mosquée était loin, peut-être presque 1 kilomètre là. Il allait à pied, n'âme, il allait à pied et pieds nus. Il n'aime pas quand il va à la mosquée, qu'on le fasse monter dans une voiture, parce que en allant, il révise le Coran, et en revenant, il veut réviser le Coran. Donc, quand il va à la mosquée, il veut pas qu'une voiture s'arrête pour le faire monter. Ensuite, vous voyez que des fois il se mettait pieds nus, il marchait un peu pieds nus, comme a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit que de temps en temps il fallait marcher pieds nus. Donc lui seulement, sûrement il a choisi la nuit, salat al-fajr, il n'y a pas beaucoup de gens, peut-être vont le voir, ils vont dire il est devenu fou là. Alors il a choisi la salat pour aller faire la prière du fajr. Ensuite, comme je disais, ce bas monde, il avait divorcé ce bas monde. D'ailleurs, une fois le roi, l'un des rois, rahimahullah, celui qui était, je crois, avant les deux qui derniers, lui a fait comme cadeau une voiture neuve, bien sûr. Quand le roi fait cadeau à quelqu'un, c'est pas une R4 ou une 2 chevaux, il va te faire une voiture, être la meilleure qui existait en ce moment. En ce moment où il était en vie. El Mohim, c'est le chauffeur, bien sûr, l'un des chauffeurs du roi Oula, qui lui a ramené. Ensuite, Cheikh Ibn Uthaymeen, alayhi rahmatullah, l'a laissé à sa place où on l'avait posé 1 mois ou 2 mois ou 3 mois jusqu'à ce qu'elle a été toute l'année empoussiérée, pleine de poussière. Ensuite, il a téléphoné à quelqu'un de proche du roi, il lui a dit « Barakallahu fik, viens prendre la voiture, moi, yani, en vérité, je n'en ai pas besoin ». Ensuite, elle va rester là, personne n'en profite, yani, vaut mieux que tu la donnes à quelqu'un. Sauf yani, les gens qui ont divorcé avec ce bas monde. Maintenant, les roulements, qui ne sont pas les vrais, tu les trouves hein, tous en train de frapper à la porte du roi pour qu'il leur donne de l'argent, pour qu'il leur fasse des cadeaux, etc. Mais les vrais, Rabbaniyoun, même quand on leur donne, ils ne prennent pas. Pourquoi ? Pour montrer que, yani, moi je ne suis pas là pour frapper aux portes ou là pour dire on me donne. Même si on te donne, tu peux prendre. Il y a un hadith qui dit cela. Tu peux prendre. Mais parce qu'ils n'en avaient pas envie de ce bas monde, il n'a pas pris la très belle voiture. Cheikh Ibn Uthaymeen Rahmatullah, c'est lui qui a expliqué ce livre. On va commencer, Inch'Allah. C'est un livre de Aqida. Aqida, pourquoi on dit Aqida? Parce qu'en arabe, tu dis Aqada. Le verbe Aqada, il a fait un nœud. Aqada. Donc, Aqida, c'est quoi? Tu vas faire des nœuds. Où est-ce que tu vas faire des nœuds? Tu vas faire des nœuds dans ton cœur. Dans ton cœur. Tu vas nouer des choses dans ton cœur afin que ça reste là-bas à l'intérieur de ton corps, de ton cœur, ça ne sort jamais. Pourquoi? Car c'est une aqida, tu as du mot aqada et aqidu, yani il a noué. Donc tu noues des choses comme ça, tu apprends des choses, tu les noues dans ton cœur, ça ne sort jamais de ton cœur. Par exemple, tu noues dans ton cœur que, par exemple, l'Azawajal, c'est le seul qui mérite l'adoration. Tu noues dans ton cœur qu'il y a qu'on appelle, il y a le supplice de la tombe. C'est Adab al-Qabr. Tu noues dans ton cœur, par exemple, qu'il y a un jour où on verra Allah. Tu noues dans ton cœur qu'il y a un jour où les musulmans, les croyants iront au paradis, les kuffars en enfer pour ne plus en sortir. Et, comme ça, tu noues. Plus tu apprends des choses, plus tu noues. Plus, bien sûr, tu ne connais pas des choses, tu ne peux pas nouer dans le vide. Donc, plus tu apprends, plus tu noues dans ton cœur. C'est pour ça que ça s'appelle l'aqida, car tu as noué dans ton cœur. Ensuite, le livre s'appelle l'aqida al-wasitiya. Cheikh Islam, quand il a écrit, il lui a pas donné de nom comme ça. Mais les ulama l'ont appelé l'aqida al-wasitiya. L'wasitiya, c'est une ville. Une ville ou là, une contrée ou là, une sorte de pays ou là, qui s'appelle Wasit. Wasit, c'est du côté de la Russie ou là, de derrière l'Irak ou là, je ne sais pas exactement où. Ça s'appelle Wasit. Il y avait là-bas dans Wasit, il y avait beaucoup, beaucoup de machines, beaucoup de problèmes dans les aqidas, dans les bidas, dans les innovations, dans la salat, et ils se sont beaucoup dispersés, et ils ont beaucoup divergé. Alors, il y a quelqu'un d'eux, un qadi, un juge, qui a dit, moi, je vais aller chez Cheikh Ibn Taymiyyah, il va m'écrire un livre où il va me montrer c'est quoi exactement, qu'est-ce qu'on doit faire, qu'est-ce qu'on doit suivre. Et, Inch'Allah Ta'ala, je reviendrai avec ce livre, qui est à Wasit, et ce livre jugera entre nous. Il commençait à dire, chacun, qu'est-ce qu'il disait? Wahad, il disait qu'il n'y a pas la supplice de la tombe. Wahad, il dit, on ne va pas voir Allah. L'autre, il dit, Allah Azzawajal, il descend. L'autre, il lui dit, il ne descend pas. L'autre, il lui dit, il n'a pas de Dieu. L'autre, un moyen. De gros problèmes et de grands problèmes. Donc, celui-là est parti à Cheikh l'Islam. Quand il est arrivé chez Ibn Taymiyyah, c'était Salat al-Asr. La prière de l'Asr. Il venait juste de faire la prière de l'Asr. Il lui a raconté ce qui s'est passé. Ensuite, je ne sais pas où il est sorti. Il lui a dit, on se rend compte, Salat al-Maghrib. Salat al-Maghrib, le livre était déjà fini. Il lui a rendu le livre, il lui a dit, voilà le livre que je t'ai écrit, subhanallah, en 2 heures ou 2 heures et demie, ou là je ne sais pas combien. Voilà le livre. Donc, il y a vraiment l'appelé quoi? L'aqida al-wasitiya. Comme tu dis, l'aqida al-jazairiya. L'aqida, maintenant, al-saoudiya. Donc, c'est par rapport au village ou la ville ou au pays qui s'appelle Wasit. C'est pour ça que Cheikh l'Islam, il envoya plusieurs pays. Il a par exemple l'Aqida al-Hamawiya. L'Aqida, la ville de Hama, qui se trouve en Syrie. Il a l'Aqida al-Tudmouriya. Tudmour, c'est du côté de la Russie, d'Azerbaïdjan, Tudmour. العقيدة تدمر. إلى أنبوية النيف لابا تدمر. إلى أنبوية حامة عن سيري. العقيدة المراكشية. إلى أنبوية مراكش. مراكش وماروك إلى أنبوية العقيدة. لابا سبيسالون pour leur montrer ce qu'il fallait faire. Car ils étaient aussi dans la fitna. Il a envoyé, bien sûr, comme j'ai dit, plusieurs pays. Ce livre, Inch'Allah, on va le commencer bidna subhanahu wa ta'ala d'yom, aujourd'hui. Je demande à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il nous aide pour le comprendre, pour le bien comprendre, et qu'il nous aide pour ne pas dévier ce qui est écrit ici, et pour qu'il nous aide pour, Inch'Allah ta'ala, qu'on ait une aqida saine, claire, propre, et la aqida des salaf salah, radiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Le Cheikh Ali Rahmatullah, Cheikh Ibn Rusaymin, a commencé ce livre par, bien sûr, une petite, comment on appelle ça, yani, il a commencé par une muqaddima. Une muqaddima, yani, chaque livre il contient une muqaddima. La muqaddima, c'est la préface. Il a commencé par une petite préface. Qu'est-ce qu'il a dit dans cette préface, Ibn Rusaymin? Il a parlé de Tawhid, une introduction. Une introduction, ça. Il a commencé par une petite introduction où il a parlé de quoi? Il a parlé de Tawhid, hada. Tawhid, yani, l'unicité de Allah subhanahu wa ta'ala et comment qu'elle se divise. Pour ceux qui ont assisté, yani, dans les deux de l'Aqida, ils savent, Inch'Allah ta'ala, et les autres, ils ne savent pas qu'ils apprennent, yani, à chaque fois qu'on vient sur un point de chose, on la réentend 2, 3, 4, 5, 6 fois, ça me fait un peu qu'elle s'ancre dans le corps. Surtout si c'est l'aqida. Surtout si c'est l'aqida. On va avoir compris, mais on n'a pas compris. Quand on entend la deuxième fois, on dit Alhamdulillah. Alhamdulillah, j'ai entendu la deuxième fois, car je croyais que ceci et cela. J'ai dit Alhamdulillah, je me suis corrigé. Donc, Tawhid, il se divise en trois sortes. Si une personne ne fait pas yani Tawhid, ne fait pas l'unicité, Tawhid c'est l'unicité ou l'unification. Si elle ne fait pas l'unicité, Tawhid, dans les trois sortes, elle n'est pas un vrai croyant. Il faut, pour être croyant, pour être de ceux qui vont aller au paradis, il faut qu'il fasse l'unicité dans les trois sortes de l'unicité. Quelle est la première sorte? La première sorte, c'est Tawhid al-Rububiyya. Tawhid al-Rububiyya, ça s'appelle comme ça, Tawhid, l'unicité de la Rububiyya. C'est reconnaître que Allah subhanahu wa ta'ala Rab, c'est pas on dit Rububiyya. Rab, ça vient du mot Rab. Rab, ça veut dire que c'est Allah Azza wa Jal qui dirige l'univers. Naam, c'est la divinité. La divinité, tu es sûr? Je crois que c'est la divinité, c'est l'Uluhiyya. Naam, la divinité, c'est l'Uluhiyya. Yes, la divinité, c'est l'Uluhiyya. La seigneurie, Rububiyya, c'est lui le Seigneur. C'est lui le Seigneur. Donc, que c'est Allah Azza wa Jalla, c'est quoi la Rububiyya? Tu attestes dans ton cœur, dans ton fort intérieur, que c'est Allah Azza wa Jalla qui, par exemple, c'est lui qui t'a créé. Il n'y a pas un autre. C'est lui qui fait tomber la pluie. C'est lui qui te donne le risque. C'est lui qui te donne le bien. C'est lui qui va te faire mourir encore une fois. C'est lui qui dirige l'univers. C'est lui, il n'y a pas d'eux qui dirigent l'univers. C'est lui qui donne les biens. C'est lui. Ça, c'est quoi? Ça s'appelle l'unicité, l'unification de la Rububiyya. C'est le Rabb. Yani, yudabbir al-rizq wa yuhyi wa yumit. C'est Allah subhanahu wa ta'ala, il n'y a pas un autre. Donc ça, c'est quoi? C'est la première sorte de l'unicité. On l'appelle aussi Tawhid al-Rububiyya. On l'appelle que, yani pour faire une différence entre celle-là et la deuxième sorte qui va venir, on dit, tu fais l'unification de Allah subhanahu wa ta'ala d'après le dictionnaire. Mungkin, moi je veux dire seulement une chose. Quand je ne connais pas un mot, je ne veux pas l'employer, c'est tout. Quand je ne connais pas un mot, j'ai peur que pour d'autres, il a un autre sens. Pour ça, je ne l'emploie pas. J'essaie de parler au maximum yani, les mots de l'islam arabe. De l'islam arabe au maximum. Je disais que c'est pour ça que, inshallah ta'ala, je demande à mes frères et mes sœurs qui me m'aident dans la traduction barakallahu fikum, je ne parle pas d'Abu Anas, bien sûr, je parle en général, de ne rien écrire sans être sûr. Ne rien écrire sans être sûr. Parce que si tu écris quelque chose, ensuite peut-être la personne va la lire, ensuite elle déconnecte, ensuite elle peut plus rentrer, elle va croire par exemple que cette chose c'est celle-là, alors que peut-être lui qui l'a posé s'est trompé. Donc inchallah, quand on est sûr, on me pose le mot inchallah, barakallahu fik. Celui qui n'est pas sûr, il la laisse, ma'alesh, on va chercher demain après-demain, inchallah ta'ala, on va la trouver. Elle-même, Allah Azza wa Jalla, Rububiyya, ça veut dire, tu attestes que c'est lui, c'est par ses actes lui. C'est ça Rububiyya, c'est lui, par ses actes, yani, il fait tomber la pluie, il nous a créé, il nous donne les bains, il nous donne, c'est lui qui donne les maladies, c'est lui qui guérit, c'est yani, par les actes d'Allah subhanahu wa ta'ala, la Rububiyya. Ensuite, en deuxième position, tu as Tawhid, l'unicité de la Uluhiyya. La première, c'est Rububiyya, c'est Rabba, maintenant c'est Allah, Uluhiyya. C'est, je voulais Rububiyya divine d'Allah, Uluhiyya divine au niveau. Non, Uluhiyya, ça veut dire que Allah Azza wa Jal, c'est un ilah, mu'abad. C'est-à-dire, Allah Azza wa Jal, maintenant, dans la deuxième sorte, tu vas dire que c'est quelqu'un qu'on doit adorer. C'est l'unicité de l'adoration. Ça veut dire que je dois adorer Allah Azza wa Jal. Par exemple, je ne fais la prière qu'à Allah. Je n'égorge un mouton, je dis bismillah. Je ne dis pas bism le mort le foulani ou la bism mon père ou la bism Allah. Si je vais al-hajj, pourquoi? C'est pour Allah adorer. C'est lui qui m'a dit d'aller là-bas. Tout ce que je le fais pour Allah. Pour inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. C'est ça, c'est un verset. Il a dit, toute ta vie, tu dois la mettre pour Allah. Tu ne vis que pour Allah subhanahu wa ta'ala. Tu ne fais une chose qui est adoration que pour Allah, pas pour un autre. Car Allah Azza wa Jalla a dit, wa ma khalaqtu al-jinna wal-ins illa liya'budun. Je n'ai créé l'ins ou l'jinn que pour, je n'ai créé les djinns et les personnes que pour qu'ils m'adorent. Il n'y a d'adorer que Allah. Attention, justement ça, il ne faut pas l'écrire. Justement ça, il ne faut pas l'écrire, parce que ça, le vrai, c'est pas qu'on dise « il n'y a d'adoré qu'Allah ». On dit « il n'y a qui mérite l'adorer qu'Allah ». Mais les adorés, il y en a beaucoup. Il y a beaucoup de dieux qui sont adorés, qui sont faux. Justement, nul ne mérite. Nul ne mérite l'adoration qu'Allah. Mais les adorés, les dieux, il y en a plein. Il y en a des millions. Celui-là, il adore une statue. Celui-là, il adore un arbre. Celui-là, il adore le soleil. Celui-là, il adore une chèvre. Celui-là, il y en a des millions. Mais, qu'est-ce que ça veut dire? La ilaha illallah, ça veut dire, il n'y a d'adoré qui mérite l'adoration de Allah. Car si tu dis, on te dit, qu'est-ce que ça veut dire la ilaha illallah? Tu dis, ça veut dire, il n'y a d'adoré qu'Allah. Là, on te dit, attention, il y a beaucoup, il y a des milliers d'adorés. Dans tout cela, ce sont Allah d'après toi. Ce sont Allah, puisqu'ils sont tous adorés. Non. Tu dis donc, il n'y a qui ne mérite l'adoration qu'Allah. Tous les autres ne méritent pas. ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهُ هُوَ الْحَقِّ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ هُوَ الْبَاطِلِ. Naam. C'est pour ça que, comme je disais tout à l'heure, dans l'unicité de la Rububiyya, la première, tu unifies Allah Azza wa Jal dans ses actes, lui. Et dans la Uluhiyya, la deuxième, tu unifies Allah Azza wa Jal dans tes actes, toi. Dans tes actes, toi. La différence, comme j'ai Naam Lies Abu Anas. Merci, Inch'Allah, Mouchkila. Merci, Mouchkila. Seulement avant de poser quelque chose, attends un peu, Bakallah. Merci, Mouchkila. Je disais que, donc, je répète pour ceux qui peut-être n'ont pas bien compris, le Tawhid, l'unification de la Rububiyya, c'est unifier que seul Allah Azza wa Jal, c'est lui qui nous donne, c'est lui qui nous a fait vivre, c'est lui qui. Tout ce qui se passe ici, c'est parce que Allah Azza wa Jal l'a voulu, c'est lui qui dirige. La première. La deuxième sorte, tu unifies la rue par tes actes, toi. Tu ne pries qu'à Allah. Tu ne fais le jeûne que pour Allah. Tu ne fais l'aumône que pour Allah. Tu ne vas au djihad que pour Allah, etc. Tout ce que tu fais pour Allah. Et là, je dois faire une grande remarque. C'est quoi? C'est que les kuffars, Abu Jahl, Abu Lahab, tous les grands kuffars et tous les kuffars, au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, faisaient la première unification. Ça veut dire, comme a dit l'Azéouj dans le Coran, ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض لا يقولون الله الله عز وجل a dit si tu demandes à Abu Jahl et à Abu Lahab et à tous les kuffars tu leur demandes est-ce qu'il a créé les cieux et la terre ils vont te dire Allah donc voilà ils ont l'unification de la Rububiyya ils reconnaissent que c'est Allah qui a créé les cieux la terre la mer les étoiles le soleil Abu Jahl jamais te dira c'est moi qui ai créé le soleil il va dire Allah c'est Allah qui a créé donc tous les kuffars font l'unification, la première, de la Rububiyya. Tous ils disent que il y a Rab. Rab, ça existe. Et c'est lui qui fait tout, c'est lui qui dirige. Mais est-ce que le fait de faire l'unification de la Rububiyya, est-ce que ça va te faire rentrer au paradis? Jamais. Jamais. C'est pour ça que il faut faire ici les deux tawhid. La Rububiyya, reconnaître que c'est Allah qui dirige, et ensuite, puisque tu as reconnu que c'est Allah qui dirige, ne faut-il pas reconnaître que tu dois l'adorer? C'est ça la deuxième unification, l'unification de l'abration, puisque tu as reconnu. Subhanallah, tu as reconnu, c'est lui qui a créé les cieux et la terre, c'est lui qui t'a créé, c'est lui qui te donne les biens, c'est lui qui te fait vivre, c'est lui qui fait mourir. Alors pourquoi tu ne reconnais pas que c'est lui qu'on doit adorer? Abu Jahl et les autres te diront non, c'est pas lui qu'on doit adorer. Moi j'adore cette statue, c'est cette statue qui va être un lien entre moi et Allah, je l'adore pas comme ça directement, il me faut quelque chose, yani une loi d'état, il me faut un lien, ou là, comment ça s'appelle, entre moi et entre Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ne vous étonnez pas quand quelqu'un vous dit c'est Allah, c'est Dieu qui a tout créé, les cieux, la terre, ou masha'Allah, ça, c'est lui qui a tout créé, mais tu n'es pas encore musulman. Ah, ça manque beaucoup de choses, et ça manque. Tu l'adores pas. Tu as seulement reconnu, c'est lui qui dirige. Mais est-ce que tu l'adores? Est-ce que tu fais la prière pour lui? Ou là tu l'as fait pour un autre? Ou là tu l'as fait pas du tout? Quand tu égorges un montant pour Allah subhanahu wa ta'ala, ou là tu égorges pour celui qui est mort dans cette tombe, tu dis celui-là c'est un wali. Hein? Comme dans les petits patelins dans tous les pays du monde, les pays arabes. Hein? Ils vont à la tombe, ils disent un mort qui est mort, ça fait des centaines d'années ou des milliers d'années, il va à la tombe et lui dit X, aide-moi, je suis malade. X, oh X, aide-moi, j'ai pas d'enfant, ma femme n'accouche pas, ou elle accouche seulement des filles. Oh aide-moi, j'ai des problèmes, je vais passer un examen, aide-moi. Il dit qui? Ah, il dit au mort qui est dans la tombe. Est-ce que celui, il a fait l'unification de l'adoration, il l'a pas faite? Il l'a pas faite. Il a adoré qui ici? Il a adoré celui qui est dans la tombe. Peut-être quelqu'un va me dire, il n'a pas fait la prière, il n'a pas fait les ablutions, il est allé lui faire la prière dans la tombe. Je lui dis, d'accord, mais tu as oublié ou bien tu ne sais pas que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith sahih, il a dit, Ad-du'a'u huwa al-ibada. Il a dit, l'invocation, c'est l'adoration. Ad-du'a'u huwa al-ibada. Et j'ai dit une fois que Ad-du'a mukh al-ibada, c'est un hadith daif. Un hadith daif qui dit Ad-du'a mukh al-ibada. Celui-là, laissons de l'autre côté. Parlons du sahih, le vrai. Ad-du'a ou al-ibada. Quand toi, tu laisses Allah subhanahu wa ta'ala, qui, lui le seul, peut donner des enfants. Et tu vas à quelqu'un qui n'est même pas vivant. Même pas s'il était vivant, on aurait dit, allez, c'est à 80% seulement grave. Tu vois maintenant un mort. Le morada, et tu lui dis, donne-moi des enfants, et tu lui dis, je suis malade, tu lui dis, j'ai pas d'argent, tu lui dis, j'ai des problèmes. Et ce mort, tu sais pertinemment bien, tu sais que, si tu veux, pardon du terme que je vais dire, si, ou là, ça se dit de toute façon, si, par exemple, le morada, s'il y a un chien qui va passer par là-bas, il peut uriner sur sa tombe. Un chien, même moi, je peux uriner. Quiconque peut uriner sur sa tombe, il peut faire le mort. Il est là en bas, il ne peut rien faire. Alors celui qui, on peut uriner sur sa tombe, il ne peut rien faire. Comment peut-il m'aider? Et lui, il y a un chien qui urine sur sa tombe, et lui, il ne peut rien faire. Il ne peut même pas chasser le chien. Alors comment celui-là, il peut m'aider? Comment celui-là, il peut me donner des enfants, et comment ceci, cela? Ça s'appelle le shirk akbar. C'est la chose que Allah Azza wa Jalla ne pardonne pas. Il pardonne tout. Si quelqu'un meurt, il lui pardonne tout. Sauf s'il meurt mushrik. S'il peur, s'il meurt mouchrik, là je l'ai dit dans le Coran, « Inna Allah la yaghfiru an yushraka bih, wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. » Il a dit, je ne pardonne pas à celui qui, yani celui qui me rencontrera demain, mushrik, mushrik, associateur. Mais à part l'associationnisme, Adam, je pardonne. Si tu me viens avec les, comme dans un autre hadith, Qudsi, tu viens avec des montagnes de péché, si je veux te pardonner, je pardonne. Car tu n'es pas un kafir. Et quand tu viens après faire, après avoir fait le grand associationnisme, Adam, là, je te dis, là, je ne peux pas pardonner. Ça, tu as fait quelque chose de très trop grave. De très et trop grave. Ça, c'est les deux. Donc, pour être un vrai croyant, il faut trois unicités, trois tawhid. Premier, de Rububiya, Allah Azzawajal, c'est le Rabb, celui qui dirige tout l'univers, etc. Deuxième, que Allah Azzawajal, c'est un ilah, le seul qui doit être adoré. Ça veut dire, je ne prie que pour Allah, je ne demande que Allah, je n'égorge que pour Allah. Tout ce que je fais comme adoration, je la fais pour Allah Azzawajal, c'est tout. Et troisième, Tawhid al-Asma wa Sifat, l'unicité des noms et des attributs. Faire l'unicité des noms et des attributs. Car Allah Azza wa Jalla a des noms, comme moi je m'appelle Mohammed, et l'autre il s'appelle Ali, et l'autre il s'appelle Omar. Allah Azza wa Jalla a des noms. Il s'appelle Al-Ghani, il s'appelle Al-Rahman, il s'appelle Al-Ghafour. Il a des noms. Ces noms-là, il a des quoi? Il a aussi des attributs. Comme nous avons des attributs. Quand on nous décrit, on dit X est grand, X est large, X est petit, X est bossu, X, on nous décrit, on a des attributs. Allah Azza wa Jalla aussi, il a des attributs. Il a des attributs, il en a beaucoup même. Beaucoup. Beaucoup d'attributs. Les attributs sont beaucoup beaucoup plus nombreux que ces noms. Ces attributs sont, c'est fait où? Donc, nous, chaque nom, bon, d'abord les noms et les attributs, comment qu'on va les connaître? Ce sont des choses qui ne se connaissent que par le Coran ou le hadith authentique. Hadith sahih ou bien hadith bon, et le Coran, c'est tout. On ne peut pas connaître les noms d'Allah et ses attributs, même si on est qui? Le plus intelligent du monde. Va nous sortir quelqu'un de la plus grande université du monde, on va lui dire, assieds-toi, essaye de nous dire comment s'appelle Allah. Il ne pourra jamais, sauf s'il a lu ça dans le Coran, ou il a lu dans le hadith sahih. Parce qu'il n'y a pas quelqu'un qui connaît Allah, Azza wa Jal, plus que lui-même, Allah Azza wa Jal, et en deuxième position, plus que son prophète. Il n'y a pas quelqu'un qui connaît Allah, Azza wa Jal, plus que lui-même, et plus que son prophète, Allah Azza wa Jal. Donc les noms et les attributs, on les connaît de qui? Du Coran et du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans les hadiths ou bien sahih ou bien bon. Ou bien sahih ou bien bon. Inch'Allah, qu'aujourd'hui je pensais à une chose. Je me suis dit très bientôt, Inch'Allah, dans le deuxième cours ou la prochaine, il faut que je vous fasse au moins une heure, comme ça, une seule heure, rapidement, d'abord des notions sur Usul Fiqh. Et avant de faire la prochaine fois le hadith aussi, une heure ou là de seulement une notion sur ilm al-hadith. Parce que quand je vous parle la prochaine fois, si je vous dis telle chose, par exemple, et sunnah, ensuite Dieu dit celle-là, et sunnah mu'akkad, quand on fait le fiqh, maintenant ça fait longtemps qu'on fait le fiqh, peut-être que vous ne connaissez même pas la différence, par exemple, entre sunnah et sunnah mu'akkad, c'est quoi la différence? Entre makruh et entre, par exemple, mubah. La même chose dans les hadiths. Il faut qu'on fasse dans le ilm hadith ala, on fasse une notion, je vous fasse une notion, au moins une heure sur le hadith ala, au moins quand vous lisez un hadith dans un livre, ou là moi je vous dis ce hadith par exemple, il est mursal. C'est quoi mursal? Hadith chaz, hadith maqloub, hadith maqta', hadith muqata', hadith wukuf, ou akada. Vous ne savez pas peut-être ce que c'est. Vous lisez un livre à la maison, ensuite il y a un hadith en haut, ensuite c'est écrit en bas, Al-Albani, alayhi rahmatullah, a dit hadith shad. C'est quoi hadith shad? Si tu ne sais pas ces choses-là, ce sont des clés, des mots-clés, hein, des mots, des mots techniques. Cela, ça s'apprend comme on apprend des choses, comme on apprend des choses par cœur. Ça s'apprend par cœur une seule fois, inshallah ta'ala, ce sont des clés pour comprendre la prochaine fois quand vous m'entendez parler ou là vous lisez des livres, etc. à la maison. Les noms et les attributs d'Allah, on ne peut les connaître que dans le Coran ou la Sunna, comme je viens de dire. Plus quelqu'un connaît les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala, plus ce quelqu'un connaît celui qu'il adore. Et plus tu connais la description de Allah Azza wa Jal, plus tu l'aimes, plus tu sais comment il est décrit, plus tu l'aimes. Comment est-il concevable que quelqu'un adore Allah subhanahu wa ta'ala sans qu'il connaisse sa description? Ça marche pas. Comment puis-je aimer quelqu'un sans connaître ses habitudes, sans connaître ses qualités, sans connaître... Je peux pas l'aimer. Quand tu me parles d'une personne, décris-la moi d'abord. Vous n'avez pas remarqué que des fois, vous ne connaissez pas quelqu'un. On le décrit souvent en l'âme. Subhanallah, tu me décris quelqu'un, je te dis, subhanallah, cette personne est rentrée dans mon cœur, Allah. Pourtant, je n'ai pas vu. Seulement par description. Qu'en est-il quand on verra Allah subhanahu wa ta'ala demain dans le paradis? Donc, c'est très important de savoir comment Allah Azza wa Jalla s'est décrit. Ensuite, les autres, les politiciens et les musulmans, ils disent non, ça c'est pas intéressant. Ce qui nous intéresse, c'est la politique. On arrive d'abord au Parlement, on devient ministre, on devient président, puis on va voir. Ça c'est pas important. Subhanallah al-Azim. Alors Allah Azza wa Jalla, pourquoi dans des centaines de versets, s'est-il décrit? Pourquoi? Allah Azza wa Jalla, pourquoi s'est-il décrit dans le Coran? Chaque fois, il dit d'aller que ben Allah Aziz Rafour, et que Rafour Rahim. Pourquoi il se décrit? Il nous montre quels sont ses noms, ses attributs. Pourquoi Allah Azza wa Jalla fait-il des choses qui ne sont pas intéressantes, qui ne sont pas importantes? Qu'est-ce qu'on dit? On dit La hawla wa la quwata illa billah. La hawla wa la quwata illa billah de ces sectes. La hawla wa la quwata illa billah l'Ali al-Azim. Vous avez remarqué que à chaque fois dans les dars, dans les dros que je fais, à chaque fois que je vous dis, les salafis ont des signes. C'est avec des signes que tu reconnais quelqu'un. Et à chaque fois, je vous donnais un signe. Je crois qu'hier, je vous ai donné un signe. J'ai oublié lequel. Aujourd'hui, je vous en donne aussi un signe avec lequel tu te bases pour savoir si ce quelqu'un est salafi ou si c'est pas salafi. Si tu vois quelqu'un qui n'est pas intéressé par la aqida, il n'est pas salafi. Si tu vois quelqu'un qui, ou bien il n'est pas intéressé par la aqida, ou bien quand tu lui parles de aqida, il faut que ça suffit, allez, khlas. Ça nous suffit, inshallah, la aqida, ça suffit. Parlons d'autre chose, parlons de plus important. Comme a dit l'un des grands des frères musulmans, leur grand chef qui s'appelle Hassan ibn Benna, leur grand chef, il a parlé une fois avec quelqu'un, et c'est ce quelqu'un qui a dit cela. Il a dit, ensuite il m'a dit, Hassan Benna, ne parlons pas d'aqida, ça nous disperse. L'aqida, ça disperse. Qu'est-ce qu'ils veulent, eux? Ils veulent le nombre. Masha'Allah, nous sommes des millions. Hein? Ils veulent faire des parties avec des jumhur. Masha'Allah, ensuite quand il va faire un dars, Masha'Allah, ils sont 500 000 à l'avoir écouté. 500 000 qui ont dans le cœur une toile d'araignée. Ils n'ont rien dans le cœur de aqida. Pas d'aqida. Est-ce que ceux-là qui n'ont pas connu Allah Azza wa Jalla, c'est 500 000. C'est avec eux que Allah Azza wa Jalla va faire triompher l'islam. C'est impossible. Allah Azza wa Jalla, quand il a parlé d'Ibrahim, il était seul, il a dit, Inna Ibrahima kana ummatan qanitan. Ibrahim, c'était une umma, une nation. Pourquoi? Parce que huwa sheikhul muwahidin. Parce que c'était le sheikh des qui? Des unificateurs. Sheikh al-muwahidin. Hein? Vous avez vu dans le Coran combien il a fait débat avec les kuffars, les débats sur eux, en parlant de ciel, en parlant des étoiles, en parlant monothéisme, dame, cheikh les monothéistes, dame. Donc, nous, Inch'Allah Ta'ala, on doit beaucoup, beaucoup se baser sur quoi? Sur la aqida. Au point où, si par exemple, on vous fait choisir, on vous dit, voilà, dans cette mosquée ou là, moi, par exemple, je ne peux faire que une des deux. Vous voulez aqida ou vous voulez fiqh? Vous voulez aqida ou vous voulez sira? Vous voulez aqida ou vous voulez autre chose? Il faut que vous choisissiez aqida. Je dis non. Commençons par la aqida. La aqida, quand j'apprends comment Allah Azza wa Jalla est, et quand j'aime Allah subhanahu wa ta'ala, ensuite les autres viendront, inshallah ta'ala. Quand j'aimerai Allah Azza wa Jalla, c'est moi qui courrai après l'islam, pour rentrer en islam et pour essayer de faire ce qui plaît à Allah Azza wa Jalla. Mais quand je ne le connais pas et je n'aime pas, même la prière, je suis paresseux, même pour donner de l'argent là, je suis paresseux, etc. Pourquoi? Je n'ai pas encore aimé Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, plus on connaît les noms et les attributs, plus, comme je viens de dire, on aime Allah subhanahu wa ta'ala. Et vous découvrez que quelqu'un, quand il se marie, les premiers temps, il ne connaît pas sa femme. C'est pour ça que, et elle aussi ne le connaît pas, c'est pour ça que, presque dans tous les couples, ça ne marche pas très bien la première année, la deuxième année. Ensuite, il commence à comprendre, et elle commence à le comprendre, commence à savoir qu'il a des qualités, il a des attributs, là. Chacun découvre les mêmes choses en l'autre. Ensuite, il commence à l'aimer, et c'est la même chose ici. Plus quelqu'un a connu les attributs de Allah subhanahu wa ta'ala, plus il a connu ses noms, plus il aime Allah subhanahu wa ta'ala. Et en ce qui concerne les noms et les attributs, il faut éviter quatre choses. Si on fait une de ces quatre choses, ça veut dire qu'on n'a pas fait l'unicité des noms et des attributs. Quatre choses très très très graves. La première, qu'on appelle la négation, ta'til. Allah Azza wa Jal, il dit par exemple, le prophète alayhi sallam parle d'Allah, il dit qu'il descend chaque nuit. Il vient quelqu'un, il va nous dire non, il ne descend pas. Subhanallah, pourquoi il ne descend pas? Ah, il va dire que ce sont les personnes qui descendent. Si tu dis Allah descend, non, ça ne se fait pas. Comment Allah, il descend? Ah, et puis s'il descend, il laisse le trône. Donc il va laisser le trône, il va descendre. Ensuite, s'il descend, le trône sera sur lui, au-dessus. Et la zone, c'est le plus haut, c'est l'a'la. Comment se fait-il que le temps soit au-dessus de lui? Et c'est le shaitan qui lui fait parler comme ça. Pourquoi? Pour qu'il nie des choses. Il nie des noms et il va nier les attributs. Donc, le négateur, celui qui fait la négation, qu'on ne doit pas faire, il y a quatre choses qu'on ne doit pas faire. La première, c'est la négation. Quand tu as un hadith sahih, ou un verset du Coran qui dit que Allah Azza wa Jal a telle chose, ou là, il est décrit de telle chose, qu'est-ce que tu dis? Tu dis, sami'na wa ata'na. J'ai entendu et je vais obéir. C'est tout ce que tu dis. J'ai entendu et je vais obéir. Tu dis dans le Coran que Allah Azza wa Jal a parlé de ses yeux, tu dis, j'entends et j'obéis. Allah Azza wa Jal a des yeux. Les mains, dans le Coran, bi'aydina, Allah Azza wa Jal a les mains. Rijl, dans le hadith sahih, Allah Azza wa Jal a le pied. Amenna wa saddaqna. Amenna wa ata'na. Comme ça, tu dis avec tout ce qu'il y a comme ahadith et ce qu'il y a comme verset en ce qui concerne les noms et les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il y a un hadith où il dit Allah Azza wa Jal rit, tu dis Allah Azza wa Jal rit. Ça, c'est la première des fautes que tu ne dois pas faire. Ça s'appelle la négation. Deuxièmement, la déviation que tu ne dois pas faire aussi. Ne pas faire la négation, at-ta'til. Deuxièmement, ne pas faire la déviation et la falsification. At-tahrif. C'est quoi tahrif? Tu dis, ça, je reconnais qu'Allah Azza wa Jal a deux mains, comme dans les versets, dans les hadiths, on les a cités, ça fait cinq ou là, deux ou trois semaines. Mais Allah Azza wa Jal n'a pas voulu dire les mains. Il a voulu dire autre chose. Naam. Et quand le hadith dit qu'Allah descend chaque nuit, ça, il descend, mais ce n'est pas lui. C'est quelque chose d'autre qui descend. C'est sa rahma qui descend, c'est sa miséricorde qui descend, c'est pas lui. Ah, non, c'est ça. Alors, quand on dit qu'il a deux yeux, non, je dis qu'il a deux yeux, mais deux yeux, c'est pas des yeux. C'est, par exemple, c'est de la puissance, c'est le maqira, c'est autre chose. C'est comme ça qu'ils vont faire. Ceux-là, qu'ils ont fait, ils ont falsifié. Ils ont dévié le sens. Ils ont dévié. Comme Allah leur a dit dans le Coran, « وَقُولُ حِطَّةَ » Qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont des henta avec n. Ils ont changé le sens. Allah Azza wa Jalla a dit, qulu hitta. Dites hitta. H-H-T-T. Trois lettres. Hitta. Ils ont dit hinta. Ils ont ajouté un n. Hinta. Hitta, c'est quoi? Dites hitta. Hitta, ça veut dire en arabe, tahut. Elle enlève. Ça veut dire, dites la ilaha illallah. Parce que la ilaha illallah enlève et annule les péchés. Dites la ilaha illallah. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont des hinta, ils ont ajouté un nun, ça, c'est devenu quoi hinta? L'orge et le blé. Subhanallah, Allah a dit, dites la ilaha illallah, ils ont dit le blé, l'orge, ils ont ajouté un n. Paul, il dévie le sens, il dévie, pardon. Il te dit, ça, je reconnais, là, il a des yeux, des mains, des pieds, il vient, il descend, il rit, mais c'est pas ça le sens, c'est autre chose. La hawla wa la quwwata illa billah al-'aliyyil 'azhim. Confondant en autant l'ahbash. Ahbash, ils disent, quiconque dit que Allah Azza wa Jalla descend, ou là il a les yeux, ou là il est au ciel, ou là il est sur le trône, c'est un kafir. Et nous, qu'est-ce qu'on dit? Quiconque dit que celui qui dit ça, c'est un kafir, c'est lui le kafir. Naam. Quiconque dit, qui dit, Allah descend, a des yeux, a des pieds, est un kafir, c'est toi le kafir. Parce que moi, je n'ai dit que ce que Allah a dit dans le Coran. Et je n'ai dit que ce qu'a dit le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, dans le Coran. Moi, quand j'ai lu dans le Coran qu'il avait les mains, et dans les hadiths les pieds, et qu'il brillait, et qu'il s'étonnait, et qu'il descendait, et qu'il venait, et ce que, yani, le maximum, qu'est-ce qui va se passer? Le maximum, Allah Azza wa Jalla dira, yawm al-qiyamah, le jour de la résurrection, qui t'a dit de dire cela? Toi, qui t'a dit de dire j'ai les mains, j'ai les pieds? Qui t'a dit? Tu lui dis, ya Allah, moi j'ai lu dans le Coran, et j'ai lu dans des hadiths sahihah. Qu'est-ce qu'il va me dire, Allah Azza wa Jalla? J'ai lu dans le Coran, j'ai lu dans des hadiths sahihah. Mais la mouchkila avec l'autre, quand Allah Azza wa Jalla lui dira les mains, il lui dira non, j'ai dit que tu n'avais pas les mains, tu avais la puissance. C'était pas les mains, c'était la puissance. Allah Azza wa Jalla lui dira, et moi, je ne pouvais pas dire que j'avais la puissance au lieu de dire la main. Pourquoi vais-je dire la main dans le Coran alors que son sens, d'après toi, égaré, toi égaré, d'après toi, son sens, c'est la puissance. Donc pourquoi moi, je ne peux pas dire dans le Coran que j'ai deux puissances au lieu de dire j'ai deux mains? Pourquoi vais-je égarer les gens? Allah Azza va dire, je vais égarer les gens, leur écrire moi deux mains alors que je veux dire la puissance. Et puis, quand Allah Azza a dit qu'il avait les deux mains, et ce pas les deux mains comme eux ils disent. C'est l'Ahbash, il dit c'est pas les deux mains. Et l'Asha'ira, il dit c'est deux puissances. Bien, ou la Doniyama, bien, c'est deux puissances et Doniyama. Donc, qui va comprendre cela? Moi, j'ai compris ces deux puissances. Est-ce que ma grand-mère, quand elle va lire le Coran, elle va comprendre ces deux puissances? Elle va pas comprendre. Qui va comprendre? Il y a 5 ou 6 bonhommes ou la 100 qui vont comprendre, c'est tout. Mais le Coran a été pour l'alamine, pour tous les gens, pour tous les gens. Ce que tu lis, c'est clair, très clair. L'Azawajal a dit dans le Coran, c'est, il parle du Coran, il dit, c'est des versets clairs, clairs, bayinats, que tout le monde peut voir, peut comprendre. Des versets très clairs, surtout dans la aqida. Et l'Azawajal ne donne pas des choses qui vont être compliquées et vont nous égarer. Ils vont le plus clair qu'il y a. Elle-même. Ensuite, Cheikh Hadi, on est toujours dans la préface, l'introduction Hadi. Ensuite, Cheikh Ali Rahmatullah a dit. Ensuite, il a dit, ça a commencé les bid'as. Ça a commencé le din, masha'Allah, l'islam était pur, était simple, était clair, au temps du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et de ses compagnons. Ensuite, en plein vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, a commencé la première bid'ah. La hala wa la quwwata illa billah. C'est quoi la première bid'ah? C'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, une fois, il a ramené de l'or, il a commencé à partager de l'or aux gens. Il a commencé par les plus riches. Pourquoi? Parce que ces riches-là, c'était juste pour les faire rentrer en islam. Ça s'appelle Mu'allafatu Qulubuhum. Il a donné à Abu Sufyan, il a donné à Al-Aqra ibn al-Ahs, il a donné à un troisième, j'ai oublié. Il a commencé par les riches, il leur a donné. Ensuite, il a donné aux musulmans, il y en a un peu, mais il avait un but. Alors il y a quelqu'un qui s'appelle Dhul-Khuwaysira. Dhul-Khuwaysira, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, Ya Muhammad, Adil, Ya Muhammad, comme ça, Ya Muhammad, c'est pas Ya Rasulallah, c'est pas au prophète. Ya Muhammad, comme moi j'appelle un ami, Ya Farid, Ya Abqadr, c'est comme ça qu'on parle au prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est comme ça. Il a dit, Ya Muhammad, qu'est-ce qu'il a dit ensuite? Adil, Adil, yani sois juste Ya Muhammad, tu n'as pas été juste. Tu donnes aux kuffars, et nous les musulmans, tu nous donnes tout. La hawla wa la quwwata illa billah. Adil. C'est pour ça que Cheikh Islam Ibn Taymiyyah a dit, celui qui croit que l'argent en islam, là, les biens, ce sont les musulmans qui doivent être les premiers à en profiter, se trompe beaucoup. Se trompe beaucoup. Le musulman, khalas, tu es rentré en islam, maintenant c'est entre toi et entre Allah. Si je te donne, je te donne, je te donne pas, je te donne pas. Mais maintenant, moi, j'ai besoin de ce kafir là pour essayer de le rentrer en islam. toi, tu n'es pas en islam à cause de l'argent. Toi, tu es rentré en islam à cause du visage d'Allah qui va donner le paradis. Laisse-moi avec les kuffars qui ne rentrent pas facilement en islam. Laisse-moi leur donner de l'argent pour qu'ils sentent quelque chose dans le cœur et ils penchent vers cet islam et ils vont rentrer en islam. Donc ceux d'Ul Khouaïsa, c'était la première personne en islam qui est sortie, ça s'appelle Khawarij, le premier Kharidite au monde, c'est celui-là. Tous les enfants, jusqu'à nos jours, ce sont ses enfants, sa progéniture. Tous les Kharidis qu'il y a aujourd'hui, ce sont les enfants, celui-là c'est leur grand-père. C'est leur grand-père. Le Sambou demande, qui est le premier Khariji qui est sorti, ou là, en quelle époque il est sorti, vous dites, il est très connu. C'est Dhul Khuwaysera, il est sorti en plein, yani, il y avait le prophète Sallam, et il lui a dit, tu es injuste. La hawla wa la quwwata illa billah al-ali al-azim. Ensuite, quand ils sont sortis la deuxième fois, les Khariji Tadou, ils sont sortis, lorsque Uthman ibn Affan radiallahu ta'ala anhu, il est devenu khalif. Ils lui ont fait des problèmes. Leur chef, c'était ibn Kinan al-Misri, c'est un égyptien leur chef. C'est pour ça que vous remarquez maintenant, il y a beaucoup de kharijis en Égypte. Hein. Il y a les enfants qui sont restés là-bas. Al-Muhim, c'était leur grand chef, avec Uthman ibn Affan radiallahu ta'ala anhu, en train de lui faire les mashakils, jusqu'à, ils lui ont encerclé la mosquée, il ne pouvait plus sortir de sa maison. Khalifa, vous savez que c'est Khalifa. C'est pas un Khalifa qui commande une ville, il commande l'Algérie, il commande la terre. Khalifa, subhanallah al-azim, la terre, toute la terre. C'est lui le Khalifa, ensuite qu'est-ce qu'il il l'encercle jusqu'à ce qu'il reste dans sa maison, il ne peut plus sortir à la maison à la mosquée pour faire la prière et diriger la prière. Des milliers de gens qui l'attendent à la mosquée. Et ensuite, l'encercler jusqu'à ce qu'il ne mange plus et ne boit plus. Au point que certains sahaba venaient la nuit, à 2h du matin, là, par le plafond, essayer de lui donner un peu d'eau là. Et l'encercler jusqu'à ce qu'ils sont arrivés à sa porte. Ils ont essayé de la défoncer, ils n'ont pas pu. Ils ont allumé le feu à la porte, elle a brûlé. Ils sont rentrés, ils l'ont trouvé ouvert en train de lire le Coran. Sa femme est devant lui, ils l'ont tiré par la barbe, ils l'ont pris l'épée. Quelqu'un l'a frappé avec l'épée. Sa femme de Uthman ibn Affan radiallahu ta'ala l'a défendu avec sa main. On lui a coupé la main, ensuite on l'a tué, on lui a coupé la tête. Et les ulama disent le sang qui a giflé. Le sang qui a giflé de son visage ou de son cou est parti directement sur un verset du Coran où Allah Azza wa Jal a dit « C'est écrit qu'Allah, wa wa sami'u al-alim. » Allah Azza wa Jal se vengera. Dans ce verset où c'est écrit « C'est écrit qu'Allah, wa wa sami'u al-alim. » Ils ont dit le sang est tombé sur ce verset. C'est écrit qu'Allah Azza wa Jal te vengera. Ils sont tous morts comme des chiens. L'un des trois qui sont rentrés, quand il est mort, Allah Azza wa Jal, yani la vengeance d'Allah Azza wa Jal. Les deux autres, ils sont tous morts comme des chiens, mais je ne sais pas comment ils sont morts exactement. Mais l'un des trois, quand il est mort, après être mort, on l'a tué, on l'a incendié, et on a ouvert le ventre d'un âne, on l'a rentré à l'intérieur, et on l'a incendié avec l'âne. La hawla wa la quwwata illa billah. La vengeance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tu tues un musulman, alors c'est grave. Comment tu vas tuer un khalifa? Tu vas tuer quelqu'un dont les anges avaient honte. Les anges, quand ils voyaient Uthman ibn Affan, ils avaient honte. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, une fois il était assis, juste il montait un peu au-dessus des genoux. Il est entré en marre, il ne sait pas. Il ne s'est pas caché. Il est rentré à Abu Bakr avant cela, il ne s'est pas caché. Il est rentré au moins, il ne s'est pas caché. Ensuite, dès qu'on lui a dit, parce qu'on lui dit, il y a X qui veut rentrer. On lui a dit, Uthman va rentrer, il s'est caché. Sallallahu alayhi wa sallam. Il disait, comment? Les anges ont honte de Uthman, moi j'ai pas honte. C'est Khariji, ça s'appelle les Kharijites. Ils sont pleins. Ils sont en Algérie, en Égypte, en Angleterre. Ils sont partout les Kharijites. Ils sont en France, j'en suis sûr, ils sont partout. Les Kharijites, comment tu les connais? Ils te disent, il faut faire la guerre au gouverneur. C'est ça le premier but. au gouverneur, quel gouverneur, mécréant là, au gouverneur musulman. Pourquoi? Parce qu'il il ne juge pas avec le Coran et la Sunna. La yahkum bima anzalallah. Et alors, celui qui ne juge pas, qu'est-ce qui se passe? Celui qui ne juge pas avec le Coran et la Sunna, Allah Azza wa Jalla dit dans le Coran, wa man lam yahkum bima anzalallah, fa ulaika hum kafirun. Ceux qui ne jugent pas avec le Coran et la Sunna, ce sont les kuffars. Ce sont eux-là, les kuffars. On lui dit, alors, j'ai peur bien que tu sois toi le premier kafir. Pourquoi? Parce que, quand tu vas à ce verset, « Min mi'akum ma'azallah fa'ulaykum kafirun », tu trouves Abdullah ibn Abbas, radiyallahu ta'ala anhu, le cousin du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, l'homme que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a enlacé comme sa peur, et lui a fait un dua à Allah, azza wa jal, une invocation, il a dit, « Ya Allah, allimhu al-kitab », dans un autre, « Allimhu al-tafsir », dans un autre, « Allimhu al-ta'wil », « Faqihu fid-din », « Faqihu fid-din » ou « Allimhu al-tafsir », « Allimhu al-ta'wil ». Le prophète Ali Soslam a fait un dua spécial pour Abdullah ibn Abbas de le rendre les faqih fiddin, en général d'avoir la science et plus particulièrement de connaître l'explication du Coran. Alors Abdullah ibn Abbas, dans tous les livres, les explications du tafsir, quand il y a ce verset, au min yahkum bima anzalallah fa'ulaykum kafirun, il dit kuf duna kuf. Il dit c'est pas le grand kuf, c'est le petit kuf. Alors toi petit tekfiri, soit petit tafiri, qui dit que celui qui ne juge pas avec le Coran et la Sunna, c'est un kafir. Pourquoi tu ne prends pas de ce qu'a dit Abdullah ibn Abbas? Ou alors, tu as plus de science que lui. Et c'est sûr que tu as plus de science que lui. Je vais te dire pourquoi. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a enlacé Abdullah ibn Abbas et lui a fait un dua, et toi le shaitan a enlacé et il t'a parlé dans l'oreille ou bien il t'a piqué dans l'oreille. C'est comme ça disent les ulama, ils disent, il y a deux hadiths, ça, il dit quand tu dors, si tu te réveilles pas à la prière du matin, il y a le shaitan qui urine dans ton oreille. Alors celui-là, c'est la même chose, c'est le shaitan qui l'a enlacé, comme le prophète a enlacé Abdullah ibn Abbas. Toi, tu es mieux qu'Abdullah ibn Abbas, qui a dit dans ce verset, ça veut dire, c'est pas le grand kouf, c'est le petit kouf. Ensuite, supposons que, le musulman Hada, le gouverneur X, le gouverneur d'Algérie, ou de la Tunisie, ou de la Libye, X, gouverneur musulman, supposons qu'il soit un kafir. Il est venu à la télévision, il a dit, je ne crois pas au Coran, je ne crois pas au hijab, je ne crois pas à la salat, tout ça, c'est des blablabla, c'est pas vrai. Vous êtes sûr, c'est sûr que quiconque, va dire que celui-là ce n'est pas un kafir, c'est lui-même le kafir. Parce que vous voyez, il a dit franchement, sauf s'il était drogué ce jour-là, mais quiconque dit cela, c'est un kafir. Maintenant, supposons que le gouverneur, c'est un kafir, c'est un mécréant. Est-ce que le fait qu'il soit mécréant, on est obligé de lui faire la guerre comme ça, sans être prêt, comme ça on fait la guerre à quelqu'un qui a des avions et des nucléaires, et des sawarikh, des fusées, et moi j'ai un petit couteau que j'ai acheté au Monoprix, et j'ai un petit revolver, je ne sais pas où je l'ai volé, et je vais faire la guerre à celui-là. C'est impossible. Même Allah ne m'accepte pas. Allah ne m'accepte pas, il a dit dans le Coran, s'ils sont seulement plus de deux, vous n'êtes pas obligé de faire la guerre. Si tu es toi, contre deux, tu peux faire la guerre. S'ils sont trois ou plus, tu n'es pas obligé de faire la guerre, tu vas à la maison. Tu restes dans ta maison. Pourquoi? Parce que notre foi, autrefois, quand il y avait vraiment la foi, tu devais faire chacun contre 10. Un musulman contre 10 musulmans. Et 10 mécréants. Ensuite, la foi affaiblissera. La juge a dit, Alim Allahu anna fikum dha'fa. Allah sait que vous êtes faible. Maintenant, un musulman contre 2, c'est tout. Alors, comment toi tu vas faire la guerre à quelqu'un qui, tu vas lui ouvrir les portes? Pourquoi? Pour qu'il t'anéantisse. Ensuite, tout le monde sait que le gouverneur peut tuer sa mère et son père, ses enfants et sa femme, et il ne lâche pas le coursier, il ne lâche pas la chaise, il ne lâche pas le chocm. Tout le monde sait cela, et ça s'est fait dans beaucoup de pays. Il tue son père et sa mère, à cause de quoi? Pour qu'il reste au pouvoir. Et toi, tu veux, hein, toi, tu veux l'enlever du hukm, tu veux l'enlever du pouvoir comme ça facilement. C'est pour ça que Cheikh Al-Albani, rahmatullah, qui était un grand savant, il a dit même si quelqu'un voulait faire la guerre au gouverneur, il nous interdit de la faire d'après les hadiths sahiha. Pourquoi? Parce que c'est la fitna. Ça, tu vas engendrer la grande fitna. Tous ceux qui ont essayé en Algérie ne sont pas arrivés. Ils ont essayé au Soudan, ils ne sont pas arrivés. Ils ont essayé en Syrie, ils ne sont pas arrivés. Ils ont essayé en Égypte, ils ne sont pas arrivés. Où ils ont essayé, ils ne sont pas arrivés. Ils ne sont pas arrivés, Naam. Je disais que, même, comme a dit Cheikh Al-Albani, supposons que là, j'ai décidé de faire la guerre à ce gouverneur. Cheikh Al-Albani a dit, si tu sais que ce gouverneur, par exemple, si tu lui fais la guerre, qu'est-ce qu'il va faire? Il va demander de l'aide, par exemple, aux États-Unis et à l'Angleterre et à l'Espagne, par exemple. Comme maintenant, ils sont tous unis, vous le savez. Donc, avant de faire la guerre au gouverneur auquel tu vas faire la guerre, tu dois faire des calculs pour préparer de quoi contrer les armements de les pays que j'ai dit, les États-Unis, de l'Angleterre et de l'Espagne. Tu dois faire des calculs avant que si jamais ils demandent de l'aide à ces pays-là, je connais que ce gouverneur va demander de l'aide. Donc je vais me préparer pour y aller parer à cela. Où sont ceux qui font cela? Regardez, toutes les fitnas qu'il y a eu à cause des kharijites. Mais, alhamdoulilah, alhamdoulilah, alhamdoulilah, Cheikh Al-Albani, alayhi rahmatullah, a quoi? A sahah, a authentifié un hadith dans son livre l'Ulou de Zahabi, l'Ulou de Zahabi, Mukhtasar l'Ulou, où il lui dit quoi? Alhamdoulilah, Allah, ça m'a fait beaucoup, beaucoup plaisir quand je l'ai lu. Où le prophète, alayhi sallam, a dit, bon, le hadith, la première partie, elle n'est pas bien. La deuxième, c'est celle-là qui a rapport avec le Das. La première partie, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit cela, les kharijites, ils ne vont pas s'arrêter de sortir jusqu'à ce que les derniers d'eux sortent avec le Messie de Jalan Christ. Donc toi, tu dois avoir dans la tête que les kharijites, les khawarij vont vivre avec toi jusqu'à ce qu'ils viennent le Messie de Jalan. Ils ne vont pas s'arrêter jusqu'à ce qu'ils viennent le Messie de Jalan. Et vous avez remarqué ce qu'a dit le hadith. Il a dit jusqu'à ce que les derniers vont venir, subhanallah, avec qui? Avec qui? Avec les soldats du Messie Dajjal. Non, les kharijites qui croient qu'ils tuent le gouverneur, ils viendront avec les soldats dans les rangs du Messie Dajjal. La hawla wa la quwwata illa billah. Pourquoi? Pour tuer les musulmans. Alors le hadith a dit du prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il a parlé de la déception des kharijites, qu'est-ce qu'il dit? Il tue ahl al-islam. Il tue les musulmans et il laisse les kuffars. Non, les kharijites ne vont pas en Palestine tuer les juifs. Non, jamais. Ils vont tuer les musulmans en Algérie, au Maroc et partout. Ils vont tuer les musulmans. Comme disait Abu Qatada. Abu Qatada, le grand chef des kharijites. Le khabit, le grand khabit qui vit en Angleterre. Marié à une anglaise, il venait à la télévision. Alors, la télévision, une vidéo. Ensuite, il faisait marcher, il envoyait la vidéo partout. Qu'est-ce qu'il disait? Il parlait à ceux qui faisaient la guerre en Algérie, la guerre d'après lui. Tuez les femmes, tuez les enfants, tuez les femmes, tuez les enfants, tuez les femmes et les enfants. Non, égorgez-les. Pourquoi? Parce qu'ils sont avec eux. Hein, ils ont fait le vote, etc. Ils ont voté pour le gouverneur. Ils ont voté pour, c'est pas qui était avant Bouteflika. Ils ont voté pour lui. Là, ce sont des kuffars. Il vient à la télévision, il dit, égorgez les enfants, égorgez qui? Égorgez les femmes. Dis-moi, toi, tout est shaitan. Toi, pourquoi tu restes en Angleterre et tu donnes des ordres et tu ne viens pas faire la guerre avec eux? Ya'yu alladhina amanu, lima taquluna ma la tfa'alun. Kabura maqtad inda Allah an taqulu ma la tfa'alun. Oh croyant, pourquoi dites-vous ce que vous ne faisiez pas? L'un des plus grands péchés, c'est le verset, l'un des plus grands péchés, chez Allah, c'est que tu dises ce que tu ne fais pas. L'un des plus grands péchés, c'est que tu restes dans le café en train de fumer une cigarette et tu dis aux gens, allez faire la guerre sainte. Allez, en Algérie, il y a la guerre sainte. Et toi, tu fumes une cigarette et je ne sais pas ce que tu vas faire. Ça, c'est l'un des plus grands péchés chez Allah. Et toi, pourquoi tu restes en Angleterre avec l'anglaise? pourquoi tu vas pas en Algérie, tu montes dans les montagnes, tu vas mettre du colle dans tes yeux, un turban sur ta tête, tu t'habilles afghan, comme les afghans, et tu vas en pleine montagne, tu vis avec eux. Tu manges les arbres, tu manges les branches, tu manges les lapins que vous chassez, etc. Mais il n'ira pas. Il reste là-bas, dans les grands hôtels, et dans les palaces, et dans les salons somptueux, hein, ils mangent le poisson, ils mangent le caviar, là-bas en Angleterre. Et ils disent, en Algérie, c'est des koufars. En Algérie, c'est des koufars. Et en Angleterre, ce sont qui? Ce sont des croyants, hein, ce sont des croyants. Quand tu as des problèmes, tu vas au tribunal des koufars, tribunal anglais. Et tu vas aux avocats, tu leur lèches les pieds pour qu'ils te défendent. Ensuite, tu dis, hein, ce sont des koufars les autres en Algérie. La hawla la quwwata illa billah. Donc, je n'ai pas terminé le hadith. Le hadith, et je dois m'arrêter. On est seulement à l'introduction. J'ai beaucoup de choses à dire, mais je m'arrête pas. Ensuite, le hadith, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, ils sortiront toujours les kharijites. Jusqu'à ce que leur dernier viendra avec qui? Viendra avec le Messie Dajjal. Naam, avec l'Antéchrist. Mais qu'est-ce qu'il a dit, le hadith? Il a dit, kullama. Voilà ce qui m'a plu. كلما ظهر منهم قرن قطعوا الله عز وجل نعم الحديث هذه à chaque fois qu'il y a une petite corde, vous savez la corne du taureau là, à chaque fois qu'il y a une corne qui sort, une corne des kharijites, c'est Allah, il a dit Allah عز وجل la coupera, subhanallah al-azim, c'est Allah عز وجل lui-même qui s'en occupera des kharijites. Ça m'a beaucoup plu. Il n'y a pas une corne des kharijites qui sort sans que Allah Azza wa Jal nous la coupe. Naam. À chaque fois que les kharijites veulent faire des choses, à chaque fois que Allah Azza wa Jal leur coupe leur corne et se trouvent ou bien en prison, ou bien mutasharridin, en Espagne, en Amérique, jamais ils n'arriveront à leur but. Pourquoi? Parce que les problèmes qu'ils font, les fitnes qu'ils font, les meurtres qui se passent à cause des kharijites, c'est beaucoup plus que ce qu'on a fait Pharaon. Pharaon n'a pas fait comme cela. Les kharijites, hein, comme il y a quelqu'un en Algérie, Hadak, qu'est-ce qu'il a dit? Il a, je ne sais pas combien il est resté, hein, en train de se cacher, pour arriver à qui? Arriver à égorger son père ou là, sa mère. Ou bien les deux, j'ai oublié. Ensuite, quand il a égorgé, je crois, sa mère, il a commencé à crier Allahu Akbar, Allahu Akbar. Il est sorti dire à ses frères Allahu Akbar. Allah Azza wa Jal m'a aidé, j'ai égorgé ma mère ou là mon père, j'ai oublié. Allahu Akbar, j'ai égorgé ma mère. Masha Allah, tu as égorgé ta mère, celle qui t'a enfanté. La mère que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, quand quelqu'un a voulu faire le djihad, lui a dit, reste devant ta mère, reste devant ses pieds. Le paradis se trouve sous les pieds de ta mère. Naam, le paradis se trouve sous les pieds de ta mère. Toi maintenant, va égorger ta mère et attends-toi à ce que Allah Azza wa Jal te fasse rentrer au paradis. Masha'Allah alik. Masha'Allah alik. J'oublierai pas de dire qu'il y a un hadith très connu, très répandu et qui est vaif, il est faible. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, Inna al-jannata tahta aqdam al-ummahat. Il dit, le paradis se trouve sous les pieds des mères. Le hadith, barakallahu fikum, c'est un hadith vaif, faible. Mais le vrai hadith sahih, et que quelqu'un a voulu aller au djihad, ensuite le prophète lui a dit, reste auprès de ta mère, reste en compagnie de ta mère, le paradis se trouve sous les pieds de ta mère. Voilà le hadith sahih. Il y a beaucoup de choses à dire, je préfère m'arrêter, inshallah ta'ala, ici, si j'ai dit juste, c'est que Allah Azza wa Jal m'a aidé, si j'ai dit faux, c'est le shaitan bien sûr, je demande à Allah Azza wa Jal qu'il m'apprenne, et qu'il me guide, et qu'il me donne la sincérité d'Allah Ta'ala. Inch'Allah Ta'ala, préparez vos questions, laissez les jazakumullah khairan pour seulement les questions qui ont rapport avec le cours, Inch'Allah Ta'ala. Les autres, quand on termine avec celles qui ont rapport au cours, on verra Inch'Allah Ta'ala. Rendez-vous Inch'Allah Ta'ala dans 5 minutes. Subhanakallahumma bihamdik, shahadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah haqqa abdih. والصلاة والسلام على رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. On commence inshallah par les questions qui ont rapport avec le درس. ونستفتح إن شاء الله تعالى بأخينا فخير صا. توكل على الله الأخ فخير. توكل على الله. يبدأ إن شاء الله. أخي فخير صا. frère, il n'y a rien, barakallahu fik. Naam. Wa alaykum salam wa rahmatullahu wa barakatuh. Hayyakum Allah à tous, Akhim Timia. Allahumma barik lahum fima zaktuhum wa khfir lahum wa rahamhum. La question suivante, concernant les soufistes. Quand ils font leur adoration en tournant autour des tombeaux, ils demandent de l'aide aux morts, Allah yahfarna, amin. Ça, c'est du shirk. Naam. Du shirk akbar. Mais je voudrais savoir si c'est devenu du kufr ou pas, et savoir s'ils sont encore musulmans à la même hauteur que les rafida, barakallahu fikum. Réponse akhina, wallahu alam. Naam. Allah Azza wa Jal ne fait rentrer jamais quelqu'un en enfer avant que cette personne n'ait su que cette chose c'est du shirk. Yani, ceux qui font cela, qui sont des ignorants, il ne sait pas. Il a entendu des ulama dire que si tu fais cela, tu as un ajr. Et qu'Allah subhanahu wa ta'ala va t'aimer, celui-là, لم تقم عليه الحجة. Celui-là, il n'a pas encore connu la vérité. Celui-là, c'est pour ça que tu trouves, la plupart qui font cela, ce sont par exemple les vieux et les vieilles dans les petites villes, etc. Mais, ceux qui ont su que ça c'est haram, et ont entendu les ulama à la télévision, au radio, au cas, c'était entendu, et sont allés le faire, ce sont ceux-là qui ont fait le shirk al-akbar. Ce sont ceux-là qui ont fait le shirk al-akbar. Car Allah Azza wa Jalla a dit dans le Coran, ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين اولئك كيف قال دي الى دي ومن يتبع ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى دونك il faut que le huda يتبين il faut que le huda soit visible il faut que le péché aussi soit visible et connu chez lui et qu'il le fasse c'est dans ce cas que Allah Azza wa Jal ne lui pardonnera pas. Donc, ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوليه ما تولى ونصليه جهنم وساءت مصيرا. Voilà la réponse est très claire, inshallah ta'ala. Abu Muryam, tafaddal barakallahu fik. Ma deuxième question, penses-tu et comment doit-on réagir au tilaf? C'est quoi le tilaf? Concernant la fête de s'appeler le tilaf. On peut s'appeler Salafi. Moi, je suis convaincu qu'il faut s'appeler Salafi pour me différencier des autres. Naam. Je vais te répondre, Inch'Allah. Je vais, Inch'Allah, t'as ouvrir la porte et revenir te répondre. Salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Shou barakallahu fikum. En ce qui concerne s'appeler Salafi ou ne pas s'appeler, quand tu es Salafi, ça ne veut pas dire que, yani, où tu vas t'asseoir, tu vas dire aux gens, écoutez, moi, je suis Salafi. Ou là, tu marches dans la rue, tu colles quelque chose sur ta poitrine. C'est écrit Salafi. Ça, ce n'est pas obligatoire. Quand est-ce que tu montres, c'est quand d'autres, hein, se sont fait appeler. Tu rencontres quelqu'un, comment vas-tu, frère, là, et que moi, alhamdoulilah, moi, je suis des frères musulmans. Là, moi, je suis des Salafis, moi, je suis pas frère musulman, alhamdoulilah. Enfin, c'est quand tu dois montrer, tu montres. Et ce n'est pas obligé à chaque endroit où là, tu dis, je suis Salafi. Maintenant, quand tu parles aux gens, par exemple, de l'islam, tu leur apprends l'islam, tu leur dis, voilà le vrai islam, tu montres le faux islam, des soufis, des, etc. Tu dis, l'islam le vrai, c'est suivre salaf salah. On comprend pas l'islam dans notre tête. On comprend comme l'a compris le prophète, alayhi sallam, ses compagnons et tabi'in. Il faut être salaf, il faut les suivre. Il faut suivre le salaf, les vieux, les pieux prédécesseurs. Voilà comment on doit marcher en ce qui concerne dire je suis salafi. Ou ne pas le dire. Wallahu ta'ala alam. Abu Maliam, tafadval. Fika barakallah, mon frère. Ma question est en haut. Khalim chauffe. Là, ne la pose pas, Abu Maliam. Attends, si elle est en haut, je vais monter. Naam, elle est là, ça. Wa alaykum salam. Je voudrais savoir qui a rendu Daif le hadith concernant que les clés du paradis sont sous les pieds de la mer. Ma deuxième question. Là, allez, bak la question. Naam, Abu Maliam. Où est la deuxième question? Attends, je t'ai pas encore répondu à la première question. D'accord, écris d'abord la deuxième, je te réponds aux deux questions. Très bien. Non, je préfère que tu écrives. Écris. Non, moi, je préfère que tu écrives. Je vais te dire pourquoi. Car je ne veux pas que je te réponde et toi, tu es en train d'écrire. Écris d'abord et je t'attends. تفضل نعم اشتاطه ان شاء الله تعالى. Est-ce que tu es en train d'écrire autre chose ou la khla, ça s'arrête là? Comment combattre la fainéantise pour Talib Lane? Tu as terminé, akhi. Écris numéro 1. Khlas, jazakallahu khair, nam. En ce qui concerne, que le paradis se trouve sous les pieds des mers, c'était un hadith va'if, je t'avais dit que, Cheikh Al-Albani, dans Silsila Sahiha. Si je me trompe pas, numéro 1, tome numéro 1, cherche le style, c'est la Sahiha, tome numéro 1, c'est un livre que j'ai lu, ça fait, Inch'Allah, de 23 ans, tu le trouveras là, Inch'Allah ta'ala. Justement, je vais profiter ici pour voir dans un autre livre ici, chope une seconde, voilà le hadith est ici aussi, dans l'un des livres du Cheikh Al-Albani qui s'appelle Ba'if al-Jama' al-Sagir. Ba'if al-Jama' al-Sagir, hadith numéro 2666. Tu vas dans les livres de Albani, il a un livre qui s'appelle Ba'if al-Jama'. Ba'if al-Jama' al-Sagir, il dit hadith numéro 2666. Le hadith dit Al-Jannatu tahta aqdam al-Ummahat. Hadith rawa Anas ibn Na'am, exactement, 2666. Barakallahu fik, 2666. Il dit quoi le hadith? An Anas radiyallahu ta'ala anhu, qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, al jannatu tahta aqdam al ummahat. Cheikh Al-Albani a dit, hadithun ba'if. Hadith ba'if, naam. Mais, on n'oublie pas qu'il y a un hadith sahih qui dit quoi? Qu'il a parlé à quelqu'un, lui a dit, alzim al janna fa innaha, alzim ummaka fa inna al jannata tahta aqdamiha. Mais il y a un hadith où le prophète a dit, en parlant d'une mère, Yani, soit reste devant elle, le paradis se trouve sous ses pieds. Donc, conclusion, pour mes frères ou mes sœurs qui n'ont pas compris, que ça se contredit ici, il n'y a aucune contradiction. On veut dire que il n'y a pas un hadith qui dit comme ça. Il dit que, yani, avec ces mots, avec ces termes-là, le paradis se trouve sous les pieds de la mer. Avec ces termes, il n'y a pas un hadith. Mais le paradis est, naam, est vraiment sous les pieds des mers. Il est. Parce qu'il a dit, alayhi salatu wasalam, à cet homme, va être devant elle, le paradis se trouve sous ses pieds. Ça, donc, nous, qu'est-ce qu'on dit aux gens? On dit, naam, le paradis est sous les pieds des mers. Mais il n'y a pas un hadith qui dit le paradis est sous les pieds des mers. Non. Il y a un hadith qui a dit, à quelqu'un, va être avec, reste avec ta mère, le paradis sous ses pieds. Tu as compris, mieux? Ah, jazakallahu khair. Voilà. Ça veut dire les termes ne sont pas vrais, c'est tout. Ah, voilà. Les termes, ne sont pas vrais. Je donne un autre exemple, peut-être pour les gens qui comprennent pas. Vous savez, par exemple, comment je vais dire? Quiconque ne fait pas la prière à l'heure, il a fait un péché. Ça, tout le monde le sait. Quiconque ne fait pas la prière à l'heure, il a fait un péché. Mais il n'y a pas un hadith qui dit comme ça. Il n'y a pas un hadith. Quiconque ne fait pas la prière à l'heure a un péché. Il n'y a pas un hadith. Mais on sait que quiconque ne fait pas la prière à l'heure a un péché. Voilà ce que je voulais dire, Inch'Allah ta'ala. Avant de donner la parole à Abu Maryam, je demanderai à mes ikhwas, mes frères qui sont dans la salle, peut-être que ceux qui sont forts en Wesmo, en kada, logiciel ou kada, en programme, etc., ordinateur, d'essayer, Inch'Allah ta'ala, de me trouver la solution d'un problème. Le problème, c'est que j'avais, Inch'Allah, l'informatique. Jazakallah khair, l'informatique. C'est que je voulais faire un site, des ikhwas, m'ont dédié un site, pour que je mette là-bas mes dourous, je mette là-bas les horaires des cours, je mette là-bas, il y a beaucoup de choses, qui sera un lien entre vous et moi. Vous rentrez dans le site, vous savez s'il y a d'autres, s'il n'y a pas, s'il y a des questions, s'il y a un contrôle ces jours-ci, s'il n'y a pas, etc. Maintenant, le site. Yani, sa base a été faite, il a été fait, on a fait le mot de passe, ça. Quand on m'a donné, moi, le mot de passe pour rentrer, je peux pas rentrer. Pourquoi je peux pas rentrer? Parce qu'il est bloqué. Il est bloqué. Par quoi il est bloqué? Il est bloqué par une compagnie ici au Koweït. Elle s'appelle Kuwait. Kuwait, c'est une grande compagnie ici au Koweït. Elle a bloqué beaucoup de sites. Entre autres, elle a bloqué le site, elle a, que les Ikhwa m'ont dédié. La hawla wa la quwata illa billah. Masha'Allah, masha'Allah. Qaddara Allahu ma sha'a fa'al. Donc, hatta mon site, je peux pas rentrer, il est bloqué. Je ne sais pas maintenant si les frères connaissent comment rentrer dans, faire un autre site. Je ne sais pas où, comment qu'on fait un site. Je ne cherche pas moi un site, yani un grand site pour la publicité. Juste une ou deux pages. Une ou deux pages. Non, mais justement, on a créé un blog, c'est difficile. On a créé un blog là-bas, et je ne sais pas pourquoi, il ne me laisse pas écrire le blog là-bas. Le blog, il me laisse écrire le titre, c'est tout. Quand je veux écrire un article, là, il ne me laisse pas. Je ne sais pas, c'est étonnant. Le computer dont je vous parle, il est neuf. Il est neuf. فخير ان شاء الله لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم ابو محمد تفضل بارك الله فيك ان شاء الله كيكون بوا ميدي جاتوندري ان شاء الله ابري لو درس ان شاء الله السلام عليكم ورحمه الله وبركاته est-ce que vous m'entendez le son est clair نعم طيب بارك الله فيك شيخ j'avais une question première question ان شاء الله Je voulais savoir quelle est la différence entre les khawarij et les takfir. Je voulais savoir la différence entre les khawarij et les takfir. Et je voulais savoir est-ce que le prophète alayhi salatu wassalam les a rendus mécréants les khawarij. Sont-ils devenus mécréants? Wa barakallahu fikum, ya shaykh. Salam alaykoum wa rahmatullahi wa barakatuh. Akhi, la différence entre le takfiri et le... et le khariji, naam, le khariji, c'est quoi? C'est il sort de la jama'a, il s'éloigne de la jama'a, hein, et il dit que quiconque fait un grand péché, c'est un kafir. Quiconque fait un grand péché, c'est un kafir. Comme ça que disaient les khawarij. Ensuite, ils ont une aqida, un dogme, où c'est dit que, par exemple, on ne verra pas. Ils ont un dogme. Ils disent que quiconque fait un grand péché, c'est quoi? C'est un kafir. En ce qui concerne la vision d'Allah, je crois qu'ils attestent qu'on voit Allah. Non, c'est pas, c'est l'Mu'tazila. Pardon. Donc, un takfiri, c'est quoi? Un takfiri, il peut dire celui-là, c'est un kafir, et il te dit pas, on lui fait la guerre. Celui-là, c'est un kafir, il te dit. Mais, c'est pas obligé qu'on lui fasse la guerre. Un khariji, non, il faut qu'il sorte de yani, du gouverneur. Il ne faut pas que ce soit le gouverneur qui commande. Yani, je ne lui obéis pas. Voilà à peu près la différence entre quelqu'un qui est khariji et quelqu'un qui est takfiri. Maintenant, auparavant, maintenant, ça marche presque les deux ensemble. Maintenant, de nos temps, c'est rare qu'un takfiri tu dis seulement il est kafir et je ne lui fais pas la guerre. C'est rare. Ça marche les deux ensemble. Quand tu vois quelqu'un takfiri, ça veut dire qu'il veut faire la guerre au gouvernement. Maintenant, les deux se sont rentrés l'une dans l'autre. L'une des doctrines s'est jointe à la deuxième doctrine. Wallahu ta'ala a'lam. Eh, na'am. En ce qui concerne les ulama, la plupart disent que ce ne sont pas des koufars. Mais maintenant, de nos jours, certains commencent à changer d'avis, comme j'ai posé à l'un des grands, où il a dit que l'Arabie Saoudite dit qu'ils sont koufars. Je pense que peut-être c'est posé. De toute façon, j'ai ce qu'il a écrit. Mais écoutez, la plupart disaient que ce ne sont pas des koufars. Wallahu ta'ala a'lam. Sika barakallah. Ibn al-Islam tafaddal. Abou Mariam dit, il n'a pas répondu à ma deuxième question. C'est quoi la deuxième question? C'est quoi la deuxième question? Naam, ça tu as raison Abou Mariam. Naam, tu as raison. Pour combattre le fainéantisme là, pour devenir talib al-ilm, il faut que tu fasses un nœud dans ton cœur. Un nœud. Hein, et que Yani, tu dis, à partir d'aujourd'hui, je vais, inshallah, faire le sacrifice, faire le djihad. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, innama al-ilmu bit-ta'allum, ou al-hilmu bit-ta'allum. Il a dit, l'ilm, hada, il ne vient pas tout seul. Il vient avec quoi? Il vient avec le ta'allum, avec l'apprentissage. Donc, si tu veux vraiment devenir un talibin, ne te suffit pas, yani, à écouter comme ça un dars, ou là, à lire deux ou trois pages avant de dormir. celui qui veut vraiment demander le ilm, qu'est-ce qu'il fait? Il achète des cahiers. Des cahiers. Et il dit par exemple, aujourd'hui, Inch'Allah Ta'ala, je vais commencer à lire Zad al-Ma'ad de Ibn Qayyim. Saint tome. Donc, il écrit sur le cahier, il écrit Zad al-Ma'ad. Parce que c'est un cahier spécialement de Zad al-Ma'ad où il va le résumer. Ensuite, il écrit en haut 1. Ça veut dire, tout ce que je vais écrire maintenant, ça a rapport avec le tome 1. Ensuite, il commence. Il fait une petite étoile comme ça, pour commencer. C'est pour donner le premier avantage. Ensuite, il commence à lire. De la première page, il commence à lire. Maintenant, quand il trouve quelque chose qu'il ne savait pas, il l'écrit. Il a fait une petite étoile, ou il a écrit numéro 1, ou il a un tiré, il commence. Il dit, par exemple, il est permis de dire salam, de rendre le salam en plein salat. Ensuite, il écrit son délire. Car le prophète a dit ceci et cela. Ensuite, il écrit le numéro de la page. En parenthèse, page numéro 3. Et voilà, et il continue jusqu'à ce qu'il termine les 5 tomes. Ensuite, il achète un nouveau cahier. Et voilà, il va dire, je vais lire Irwa al-Ghalil de l'Albani. 7 tomes. Il achète un cahier, il écrit Irwa al-Ghalil. Et il commence, ainsi il fait, il va résumer des centaines de livres. Après, il va... Inch'Allah Ta'ala, il va remarquer que quoi, il a appris beaucoup de choses. Et les cahiers sont devant lui, alhamdoulilah, avec les numéros de pages, qu'il y a, si jamais il oublie quelque chose, ou là, il fait un débat avec quelqu'un, il lui dit, arrête une seconde. Zad al-Ma'ad, j'ai tout lu ce qu'il a dedans. Je vais te dire, c'est à quelle page. Il ouvre son cahier, il trouve. Il lui dit, reviens à la page 118. Tu trouves ceci, cela. Donc, c'est à peu près comme ça qu'on devient talibain. Jusqu'à ce que tu sens que tu as des mots dans la tête et tu prends un foulard et tu attaches ta tête ou tu bois un aspro, bois un cachet d'aspirine pour que, Inch'Allah Ta'ala, tu sentes un peu ta tête devenir yani, légère. Mais si tu crois que, comme je viens de dire, yani, l'insan, il reste tout le temps en train de lire les journaux, Le Monde et Le Figaro, ensuite, avant de dormir, il va ouvrir un livre, il lit deux ou trois pages et il s'endort. Celui-là, il ne pourra jamais avoir le ilm. Faire comme on dit les ulama, wa'alam anna, astaghfirullah wa atubu, wa'alam anna tariq al-ilm shaqun wa tawil, wa annahu lan yu'tiyaka ba'dahu hatta tu'tiyahu kullak. Voilà ce qu'on dit les ulama. Sache que le chemin de la science est difficile et long, et que il ne te donnera pas la science, elle ne te donnera pas un peu d'elle sans que tu te donnes toi tout en elle. La science ne te donne pas un peu si toi tu ne te donnes pas tout à elle. Si tu veux seulement donner un quart d'heure par jour, la science ne te donnera pas. Si tu donnes 5-6 heures en train de lire, la science, Inch'Allah Ta'ala, te donnera. Wallahu Ta'ala, a'lam. Ibn al-Islam a dit, ma question, est-ce que du shirk, si quelqu'un dit que j'ai imploré tel homme, et que ça a marché car mon invocation était acceptée. Non, bien sûr que c'est du shirk. Bien sûr. Des fois, tu implores. Implorer, Inch'Allah, c'est droit, invoquer. Des fois, tu implores celui de la tombe, un mort de la tombe, tu lui dis, donne-moi un enfant, j'ai pas d'enfant, et 6 mois ou 9 mois après, ta femme accouche. Ça, c'est écrit dans le Coran, « وَنَسْتَدْرِجُهُمْ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ » L'Azuj a dit, et je vais presque les égarer sans qu'ils sachent, afin que tu dises, ah, vraiment, donc ça a marché. Là, ça a marché. Comme le shaitan, qu'est-ce qu'il fait beaucoup? Il fait beaucoup de aux chiites, etc. Et même aux soufis, qu'est-ce qu'il leur fait? Il vient en songe. Il vient en songe. Ensuite, il te dit, si par exemple, tu vas à tel tombeau là, et tu égorges là-bas un mouton, Dieu va t'exaucer ceci, cela. Et toi, tu vas à la tombe, et tu vas faire ce qu'il t'a dit. Ensuite, si Allah Azzawajal va te donner, par exemple, ce que tu voulais ou là, khalas. Tu vas dire, donc, c'est une preuve que il faut, comme font les chiites, par exemple, à chaque année, il faut aller aux tombes pour égorger là-bas les moutons. Ils te disent, sinon, on va avoir de grands problèmes. Car dans les songes, celui de la tombe, il m'est venu, il m'a parlé, il m'a dit, je t'aide, etc., mais il faut égorger des moutons. ونحن كيف نقول الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدى الله الحمد لله que Allah nous a guidé car on serait jamais guidé s'il nous avait pas aidé والحمد لله والحمد لله والحمد لله إلياس أبو هادس تفضل بارك الله فيك Si quelqu'un a fait ça devant le shirki, le shirk de Jama'at al-Ihsan, attends, Jama'at al-Ihsan au Maroc. Bon, premièrement, moi je ne connais pas Jama'at al-Ihsan, j'entends parler, je vois comme ça des salles, c'est écrit Jama'at al-Ihsan. Exactement qui est cette Jama'at là, je ne la connais pas. Mais si une femme a égorgé quelqu'un, un mouton là, devant le shirk de cette Jama'at, et que si c'est vrai que ce shirk de, cette jama a approuvé, ça veut dire que c'est un égaré. Si c'est vrai, hein, je ne sais pas, peut-être on raconte des choses qui ne sont pas vraies. Si une femme, qui ne sait pas, une ignorante, a égorgé un mouton devant un shirk, devant une tombe, et le shirk ne l'a pas grondé, il ne lui a pas interdit cela, ça veut dire que le shirk lui-même, c'est un égaré. إلياس أبو هانس السلام عليكم الشيخ حياة الله وبارك الله فيك فيك بارك الله جزاك الله خيرا سون كيسيون جو ولي بو بوزي هيغ مي قدر الله ما شاء فعل دونك لا فوسي تفضل vous avez parlé hier des causes de istijaba exaucement du dua maintenant j'aimerais connaître inchallah les causes de du non exaucement du dua si c'est possible نعم إلياس أبو هانس hier j'ai parlé des causes du non exaucement du dua je ne sais pas où tu étais Hier, j'ai parlé des causes du non-exaucement des doigts. Je ne sais pas où tu étais. Je sais qu'il y a un hadith qui parle de cela, mais je ne m'en souviens plus. Si vous le connaissez, pouvez-vous me le rester, Inch'Allah, wa jazakallahu khairan. Naam, le hadith dit que, qu'il y avait quelqu'un qui a levé les mains pour faire des doigts. Ensuite, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit, celui-là, il a dit, celui-là, il est habillé en haram. Et il mange le haram et il boit le haram. Ensuite, il lève les doigts et les mains vers Allah Azza wa Jalla pour faire les doigts. Ensuite, il a dit, « Anna yustajab lahu ». Ça veut dire en ce sens, qu'il attende, il ne sera pas exaucé. Qu'il attende, il ne sera pas exaucé. Donc moi, j'ai dit hier que l'une de, ou là, les trois conditions, les trois premières pour être exaucé, c'est d'être loin du haram. En question d'habit, en question de boisson et en question de manger. Celui qui va acheter des vêtements de haram ou bien va avoir de l'argent de haram et va manger, par exemple, il va jouer au tiercé. Je ne sais pas si vous avez chez vous le tiercé, le qemar, il va jouer à la loterie. Il va jouer à la loterie, par exemple. Il va jouer là, le football. Là. Football, là, on te donne une feuille, tu remplis X, X, X, X, par exemple, que cette équipe va gagner, cette équipe va faire match nul, etc. Ensuite, tu gagnes. Tu gagnes, je ne sais pas, 20, 30 millions. Ensuite, tu es très content. Tu ne sais pas que tu as fait l'un des grands péchés. Le tiers, c'est là, Qimar, l'un des grands péchés. Et que, à partir du moment, cet argent, tu le prends et tu vas manger avec et acheter des vêtements, etc., que tu t'es privé des doigts, khlas. À partir d'aujourd'hui, c'est pas la peine de faire des doigts. Aucun doigt ne sera exaucé. J'ai dit aussi hier, et je répète, Naam, il y a aussi ce hadith. Il a parlé de, avant d'oublier cela, j'avais parlé hier aussi que ce n'était pas possible, et Ani Kullajoub n'accepte pas des doigts quand on demande des choses impossibles. Quand on demande des choses impossibles. Je vais donner un exemple. Donc, comme je disais, que par exemple, si quelqu'un va faire un doua, il va demander à Allah subhanahu wa ta'ala, il va lui demander par exemple de le rendre, yani, il peut faire tout. Un doua, il dit, Allahumma ja'alni ala kulli shay'in qadir. Alors, c'est haram. Donc, il ne faut pas que le doua soit haram. Ou il va dire, Allahumma, par exemple, donne-moi des enfants sans que je me marie. Tout ça, c'est haram. Tout ça, c'est haram. Quiconque fait un doua, ou bien, il demande à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il éloigne de lui son père, ou là, sa mère. Là, je veux que tu te rapproches de tes parents, toi, tu veux que je les éloigne de toi. Donc, tous ces doua sont haram, et ils ne sont pas exaucés. Et il y a un hadith qui dit que trois personnes, yani, ne seront pas exaucés. Je crois que entre ces deux personnes qui ne se parlent pas ou qui se sont disputées, etc., je ne me rappelle pas bien, très bien des deux autres. Inch'Allah ta'ala, quand je termine, si tu restes un peu, je te cherche dans le livre de l'Albani, Inch'Allah ta'ala, et je te dirai, Inch'Allah ta'ala. Oum Suleyman du 13, tafadhali. Donc, je vais vous donner un peu de hadith. Alaykoum, salam alaykoum. J'ai deux questions, Inch'Allah. J'aimerais savoir pourquoi aujourd'hui on n'a pas fait Sahih al-Jami'. Est-ce que les cours sont mélangés? Naam. Oum Suleyman, tu as raison. Parce que j'avais dit que j'étais en voyage. Donc, il y a beaucoup qui ne sont pas présents car ils croient que je suis en voyage. Deuxièmement, j'attendais, il y avait un site qui allait être prêt aujourd'hui ou là demain. J'attendais qu'il soit prêt pour donner un calé officiel. Que les cours seront tel jour et tel jour, tel jour, d'une façon officielle. C'est pour ça que maintenant, je mélange. Maintenant, je mélange. Naam. Jusqu'à ce que, Inch'Allah ta'ala, ça soit officiel. Quelle est la deuxième question, Inch'Allah? Par rapport à, je voulais savoir si vous connaissiez l'histoire, c'était Sahih, quand Iblis a dit qu'il voulait faire Tawba à un prophète. Et lui a dit, va voir Allah, et Allah lui a ordonné de se prosterner devant la tombe de Adam. D'accord, Iblis a répondu, ça c'est pas la peine, si tu veux tu termines pas, comme Suleyman, si tu veux ne pas terminer, là je sais ce que tu veux dire. Tu veux ne pas terminer, Inch'Allah ta'ala, je te réponds pourquoi. Non, c'est ça. Pour que tu ne te fatigues pas beaucoup, Inch'Allah ta'ala, cette histoire n'est pas vraie. Non, donc Tilbis Iblis est plein de Tilbis à l'intérieur aussi. Tilbis Iblis est plein de Tilbis. Ah, il a beaucoup raconté des choses qui ne sont pas vraies. Donc, l'une des choses, c'est cette histoire. Cette histoire, elle n'est pas vraie. Et elle n'est dans aucun livre sahih. En ce qui concerne Akhuna qui venait juste me poser la question, j'ai oublié comment il s'appelle, je vais voir son nom en haut. Avant Oum Suleyman, c'était qui? Avant Oum Suleyman, c'était Ilyes Ebouanes. Je vais voir d'abord s'il est dans la salle. Naam, il est là. Ilyes Ebouanes, voilà un hadith. Numéro 3075, dans le Sahih Jama' de l'Albani, numéro 3075. Il est dit, trois personnes feront les doigts et ils ne seront pas exaucés. Il a dit, un homme était marié à une femme qui avait un mauvais comportement et il n'a pas divorcé. Deuxièmement, رجل كان له على رجل مال فلم يشهد عليه. Un homme a prêté à quelqu'un de l'argent et il n'a pas fait quoi? Il n'a pas fait venir des témoins. ورجل أتى سفيها ماله. Et un homme qui a donné de l'argent à quelqu'un qui est sefih, quelqu'un qui n'a pas de cerveau, quelqu'un qui jette l'argent, quelqu'un qui fait n'importe quoi avec l'argent, il lui a donné de l'argent. Allah عز وجل dit: "Wala tusufaha amwalakum." Nous on donne l'argent qu'à quelqu'un qui fait du bien. On ne donne pas à n'importe qui. Wallahu ta'ala a'lam. Bad Oum Suleyman. Bad Oum Suleyman. Alors, ma deuxième question. Quelle est la différence entre Khawarij et Khariji? Pour finir, que faire pour une sœur qui est en train de tomber dans le tekfir? Naam. Khawarij, c'est le pluriel de Khariji. Oum Suleyman, quand on dit un Khariji, plusieurs, c'est au singulier, pluriel des khawarij. Des khawarij et des kharij, c'est la même chose. Pour une sœur qui est tombée dans le takfir, il faut l'aider, Inch'Allah ta'ala, il faut lui donner les livres de Cheikh Ibn Uthaymin, Cheikh de Salah Fouzan, les livres des grands ulama, qu'est-ce qu'ils ont dit sur le takfir, et il faut lui faire apprendre que ce qu'elle fait, c'est quelque chose, elle va aller vers l'égarement, elle va aller vers le grand égarement et que tu lui conseilles, yani, ou bien de lire, tu lui donnes des livres, ou bien d'assister dans des salles, hein, qui sont des salafines, etc. Et tu lui parles un peu, peut-être qu'Inch'Allah ta'ala, yani, son cœur yani, va s'ouvrir. Parce que si c'est une qui fréquente yani, les gens ta'at takfir, son mari c'est un takfiri ou là, c'est yani, un peu difficile. Il faut Inch'Allah que tu fasses le djihad avec elle. Le djihad, c'est de passer, yani, sacrifier ton temps pour essayer de lui montrer, pour essayer de lui apprendre, pour donner lui des doros, donner lui ceci. Fais-lui la nasiha, Inch'Allah ta'ala, si elle accepte, tu as un grand ajr. Si elle n'accepte pas, tu as toujours le ajr et c'est elle la perdante, c'est pas toi. Naam. Tfadal, akhina, khen Paris, tfadal, ou la French Paris, tfadal. Et tu peux diviser. Tu écris yani, deux, trois lignes. Sinon, pourquoi tu prendrais pas le micro, Inch'Allah ta'ala? Prends le micro si tu veux. Non, je te donne le micro. Prends-le, Inch'Allah. Tfadal. Je pense que c'est trop long. Je suis désolé, j'ai pas le micro. Est-ce que vous pouvez lire le message ou je recommence? Le message, je ne sais pas où il est. Il n'est pas là sur l'affiche. Le message n'est pas sur l'écran. Le message n'est pas sur l'écran. Maintenant, il me dit que Abdul Millah me demande quand est-ce qu'il va à l'armoire. Naam. Attends, je vais chercher Abdul Millah. Abdul Millah. Écris si tu veux le message, je suis en train de t'attendre, Barakallahu, je suis en train de t'attendre. Non. Écris le message, je suis en train de t'attendre. Tafadal, akhi Abdoun, tafadal. Sallam ala al-jama'a, bi'inillah. Salam alaikum wa rahmatullah. C'est ça au téléphone? Vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez? Là, le fils saute. Est-ce que vous m'entendez ou pas? Est-ce que vous m'entendez ou pas? Allô? On a mon fils saute ou là? Naam, c'est bon? Ibn Taymiyyah. الشيخ أبو عبد الله في صوت الحمد لله السلام عليكم جميعا وحياكم الله حياكم الله جميعا أنا في مقهى في سيدان زكيبر جبي بارتير لا لا بس باش نسألك يا شيخ أبو عبد الله ما سافرت ما جيت إلى مكة ولا عمرة أنا في انتظارك وما أدري أنت يعني كلمتني على أساس تجي عمرة أو مكة تجي زيارة هنا نحن في انتظارك خذ اللاقط فهمني انا ما ادري انت سافر جيت روحت ولا ما جيت كله تفضل بسم الله نعم وعليكم السلام احمد بارك الله فيك جزاك الله خيرا العمره هذه بارك الله فيك الديبون دو يعني وزاره الاوقاف ها سي مينيستير دي مينيستير دي اوقاف دي موسكي ايتترا دونك سي تيل كي ديسيد الا ديسيدي 4 او 5 فوا. Ensuite, il envoie un message, il dit c'est annulé. Yani, je ne sais pas, ils n'ont pas trouvé de place de l'avion, ou là, ils n'ont pas trouvé l'hôtel, ou là, je ne sais pas quoi. À chaque fois, il te dit demain, par exemple, à 9h. Ensuite, une heure avant, il te dit c'est annulé jusqu'à la prochaine fois. Et donc, la dernière fois, c'était vendredi matin, à 10h du matin. Ensuite, vers 9h, ils ont envoyé un message, ils ont dit c'est annulé jusqu'à yani, la prochaine fois. La prochaine fois, il ne te dit pas quand est-ce. Peut-être aujourd'hui la nuit, il y a un message qui va venir, il va dire demain, 8h du matin. Voilà ce que je voulais te dire. Yani, ça ne dépend pas de moi. Ça dépend de Wizard al-Awqaf. Allah yisahal, barakallahu fik. Allah yisahal. Inch'Allah ta'ala, Allah nifta'alina wa alaikum jami'an. Naam. Allah nifta'ala, lana wa alaikum jami'an, inch'Allah ta'ala. Quand je serai là-bas, inch'Allah, tassal bik bil hatif. Bi'idnillah subhanahu wa ta'ala. Tassal bik. J'ai ton numéro, Inch'Allah ta'ala. Amin. Jazakallahu khairan. Barakallahu fik. Shukran. Inch'Allah ta'ala. Inch'Allah ta'ala. نعم. طيب on était où inshallah ta'ala? Non, il a dit assalamu alaykum. J'aurais trois questions à vous poser. La première concernant certains mu'addan, lors de l'appel à la prière, ont tendance à chuchoter les paroles avant de les prononcer à voix haute. Naam, celle-là c'est la première question. Naam, est-ce que tu m'entends, mon frère, pour que je te réponde? Est-ce que tu m'entends? Akhi, celui qui m'a posé pour le mu'addan, est-ce que tu m'entends? Ou alors est-ce que les autres m'entendent? Si lui il m'entend pas, c'est... D'accord. C'est de la sunna. C'est de la sunna que... Naam, c'est de la sunna que le mu'addan, quand il commence, il dit Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ensuite il ajoute Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ensuite il se tait et il chuchote. Shahadun la ilaha illallah. Tout seul. Shahadun la ilaha illallah. Shahadun Muhammad Rasulullah. Shahadun Rasulullah. Tout seul. Ensuite il parle à la voix haute. Ashhadu an la ilaha illallah, comme ça, ashhadu la, voilà. Donc chuchoter entre les deux hadou, c'est de la sunna, c'est de la fée. Il a un ajr, bien sûr, il y a un délit, beaucoup de délit, il y a beaucoup de délit, naam, des hadiths qui sont vrais, des hadiths sahih, naam, qui disent que, si tu veux lire cela, tu lis dans un livre qui s'appelle Al-Tamr al-Mustatab, du Cheikh al-Albani. Il a apporté tous les délits que c'est de la sunna, tu choisis entre chuchoter et ne pas chuchoter. Si tu chuchotes comme tu as dit toi, tu as fait la sunna. Si tu ne veux pas chuchoter directement, tu fais tout le adhan fort, tu le fais tout à voix forte, c'est aussi valable. Les deux sont valables, c'est pour ça, des fois tu choisis cette façon, des fois tu choisis l'autre, inshallah ta'ala. Fika barakallah. Mais sois tranquille, si on peut dire tranquille, yani les hadiths sont sahih. Les hadiths sont sahih. Pour les autres questions, je ne les ai pas vues. Les autres questions, je ne les ai pas vues. J'ai vu seulement cette question. Pour ma deuxième question, quel est le temps minimal qui sépare la prière du Maghrib à celle de la prière du Isha? Pour ma troisième question, vous avez cité hier les quatre catégories de personnes qui seront mises à l'épreuve du jugement. Pouvez-vous nous les répéter? Naam. Le temps, un peu difficile de dire ton nom, Akhi. La première, en ce qui concerne le temps qu'il y a entre le Maghreb et l'Aïcha, ça diffère d'après les saisons. Si c'est en hiver, si c'est en été, on ne peut pas fixer, on ne peut pas dire par exemple c'est 20 minutes, c'est 30 minutes. Mais comment savoir cela? Tu sais que la prière du Maghreb, il faut que le soleil se couche. Si le soleil ne se couche pas, on ne peut pas faire la prière, tu sais cela. Donc, quand le soleil se couche, la prière du Maghreb a commencé. Ensuite, quand le soleil se couche, qu'est-ce qu'il fait? Il laisse une rougeur. Tu regardes au ciel, surtout si tu es par exemple au bord de la mer, tu regardes, tu trouves le ciel tout rouge. Le soleil s'est couché, le ciel reste rouge. Tant que le ciel n'est pas devenu noir, la salat de l'Aïcha, son temps n'est pas arrivé. Par exemple, si quelqu'un est au bord de la mer ou là, la forêt, c'est très facile. Il regarde seulement au ciel. Si le ciel est toujours jaune ou rouge ou bien orange, il ne peut pas faire la salat l'Aïcha. Dès qu'il regarde le ciel, il le trouve tout noir, le temps de l'Aïcha est rentré. C'est pour ça que je te dis, ça dépend des saisons. En hiver, par exemple, ça peut être seulement une demi-heure, peut-être. En été, ça peut être un peu long, peut-être ça peut être une heure ou un peu plus. Voilà ma réponse, Inch'Allah ta'ala. Mais pour te fixer, comme ça je te dis, c'est toujours 20 minutes ou la 30, ça... Inch'Allah ta'ala, c'est impossible. Wallahu ta'ala alam. Naam, les quatre personnes qui seront mises à l'épreuve le jour du jugement dernier, ce sont Inch'Allah ta'ala, les quatre personnes. Le premier, je les donne, ils ne sont pas classés. Ils ne sont pas classés. Le premier, c'est quelqu'un qui était sourd, muet. Ou bien, qui était sourd. Je veux dire, quelqu'un qui n'entend pas. C'est plutôt celui qui n'entend pas, le sourd. Il va dire à Allah subhanahu wa ta'ala, l'islam est venu, je n'ai rien entendu. Le deuxième, c'est quelqu'un qui est un peu, si on peut dire, malade mental, ou un peu fou. Il va dire à Allah, l'islam est venu, je n'ai rien compris. Les enfants me frappaient avec les excréments des chameaux, etc. Le troisième, celui qui est devenu vieux au point où il commence à dire n'importe quoi. On dit en arabe, Kharafa, khalas, il dit n'importe quoi. Il va dire, Allah l'islam est venu, je ne savais pas, je ne discernais rien, je ne comprenais rien, etc. J'étais très vieux. Le quatrième, c'est quelqu'un qui vit, qui a vécu dans une période où il n'y a pas eu de prophète. Par exemple, quelqu'un qui a vécu, par exemple, entre Isa, alayhi salam, et Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam. Ça s'appelle, il a vécu dans la fitra. Dans la fitra, il n'a pas eu de prophète. C'est un peu peut-être de nos jours comme ceux qui vivent par exemple en Amazonie ou là, ils n'ont jamais entendu de prophète. Ceux-là, ce sont les quatre, Inch'Allahu Ta'ala. Muslim Kola, tafadlal ou tafadlali. Barakallahu fik, frère Paris, wa shukran. Muslim Kola, salam alaykoum, cher. Quand j'étais jeune, j'ai commis un terrible péché qui m'affecte aujourd'hui psychologiquement au point que je mange très peu et dors très peu. Je suis tout sans triste et je pleure souvent depuis que je suis perturbé pendant mes salats. Non, perturbé pendant mes salats. Quand tu termines, Inch'Allah Ta'ala, tu m'écris numéro 1 pour savoir que tu attends la réponse. Je n'arrive pas à aller travailler car j'ai constamment mal au cœur. De plus, je sens toujours une voix qui me dit que je ne vais pas jamais en sortir. Comment faire pour sortir cette dépression qui m'a entraîné la vie? Non. Cher frère, musulman, Kola, cher frère, si tu sais que c'est le shaitan qui fait cela, c'est le shaitan qui veut quoi? Qui veut que tu restes toute ta vie chagriné. S'il aurait pu le shaitan, il n'aurait laissé aucun dans cette vie rire, ou la manger des fruits, ou la s'amuser, ou la plaisanter, jamais. Il voudrait que tous, hein, on vit une vie, yani, où on est yani, en dépression nerveuse, mieux encore, il voudrait que tous on se suicide s'il peut, pour qu'on aille tous à Jahannam. Alors toi, il faut que tu saches que malgré, je dis bien malgré, le péché que tu as fait, malgré le péché, que Allah Azza wa Jal, c'est lui, Al-Ghafur Al-Rahim. Et que, si pour toi c'est un grand péché, pour Allah, le plus grand péché, c'est le shirk, il n'y a pas plus. Tu t'en perds, c'est rien devant le shirk. Tu fais la zina avec ta sœur, c'est rien devant le shirk. Tu prends de la drogue, c'est rien devant le shirk. Alors le shirk, l'azaw, je l'ai dit, quiconque fait le repentir, je le lui pardonne. Quiconque fait le shirk, il va mettre une croix sur son cou et il va aller à l'église adorer la statue et dire Jésus c'est Allah, Jésus c'est le fils d'Allah, ensuite tu regrettes et tu pleures et tu fais deux rakat, Allah Azza wa Jalla t'a tout pardonné et tout est effacé. Tout. Ya ibadi alladhina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Inna Allah yaghfiru dhunuba jami'an. C'est Allah qui a dit cela. Il a dit, oh mes serviteurs, vous qui avez fait beaucoup de péchés, ne sortez pas, yani, soyez toujours, yani, ayez confiance en moi. C'est que je pardonne tous les péchés. Donc toi, à partir du moment où tu te dis, où tu commences à te dire, Alhamdoulilah, donc moi, pourquoi je me fais des soucis? Et que tout a été pardonné. Tout est, si tu pouvais voir maintenant chez Allah, subhanahu wa ta'ala, après avoir fait le repentir, ta page, Inch'Allah, ta'ala, ta feuille, elle est blanche. Blanche comme la neige. Blanche comme la neige. Rien n'est écrit à l'intérieur sur elle. Pourquoi? Parce que tu as fait le repentir. Et quelqu'un qui a fait le repentir, supposons que tu ne l'aies pas encore fait, supposons que tu n'as pas encore fait le repentir, ce n'est pas grave. Maintenant, tu laisses ce dos, tu vas faire le repentir. Maintenant, tu laisses ce dos, tu vas faire deux rakat, ou là, c'est même pas obligé de faire la rakat. Seulement, tu lèves les mains vers Allah subhanahu wa ta'ala, tu l'implores, tu pleures, et Inch'Allah ta'ala, tout est effacé en une seconde. Hada fadl min Allah subhanahu wa ta'ala. Maintenant, si tu laisses le shaitan, si peut-être qu'il sait, il dit, celui-là, il n'a pas de haine. Celui-là, je vais lui dire que, khalas, il a fait quelque chose d'impardonnable. Celui-là, il va même te dire que ce n'est pas la peine d'adorer Dieu. Khalas, toi, tu es banni, tu es maudit. N'adore pas Dieu, ne fais pas la prière. Toi, tu lui dis, écoute, écoute, petit shaitan, ou le grand shaitan, écoute. Moi, j'ai le Coran, j'ai la sunna. Et c'est écrit dans le Coran et dans la sunna sahiha, que quiconque fait même le plus grand péché du monde, Allah lui pardonne, si c'est le repentir avant de mourir. Alors, il faut que tu sois sûr, Akhi Muslim Kola, que Inch'Allah Ta'ala, tout a été pardonné. Si tu as fait le repentir, tout a été pardonné. Tu n'as rien écrit rien d'écrit sur sa feuille qui est blanche comme la neige et comme le lait, inshallah ta'ala. Donc, aie confiance en Allah subhanahu wa ta'ala et yani, fais un nœud dans ton cœur, l'aqidah, fais un nœud dans ton cœur que khlas, j'ai regretté ce que j'ai fait et qu'inshallah, à partir d'aujourd'hui, je vais commencer yani, une nouvelle page et qu'inshallah ta'ala, peut-être que je serai parmi les... Peut-être, mais c'est un péché sur une personne. Si cette personne est vivante et que c'est possible de lui demander pardon, ça se fait. Si c'est possible de lui rendre quelque chose qu'on a volé, on l'arrange si on peut. Sinon, même si c'est avec une personne, toi de ton côté, tu fais le repentir entre toi et entre Allah subhanahu wa ta'ala. Je dis, si avec une personne, si on lui a volé quelque chose ou là, on fait l'une des choses. Ou bien on lui rend la chose qu'on a volée, si on a cette chose. Ou bien on va lui demander pardon. On lui dit, voilà une fois, je t'ai pris ceci, je t'ai pris cela, ou là j'ai dit cela sur toi, ou là. Et, alhamdoulilah, c'est terminé avec la personne. Sinon, tu fais avec toi et Allah subhanahu wa ta'ala. Si cette personne est morte, ben, tu ne peux pas lui parler, ou là, là. D'ailleurs, même par exemple, quand on vole quelqu'un, on a volé quelqu'un par exemple, supposons que j'ai volé une chaîne d'or à quelqu'un, ça fait 20 ans, supposons. Maintenant, j'ai des regrets dans le cœur, etc. Qu'est-ce que je fais? Je ne suis pas obligé d'aller prendre cette chaîne et d'aller chez cette personne. Je peux acheter la chaîne que j'ai volée, par exemple, et envoyer cette chaîne avec quelqu'un. Et je lui dis, tu lui dis pas que c'est moi. Seulement, l'essentiel, c'est quoi? Je lui rends la chaîne qui a été volée. Ou bien je lui dis, combien coûte cette chaîne? Elle coûte, par exemple, 1000 euros. Je donne à quelqu'un 1000 euros. Je lui dis, voilà, c'est la maison de X. Frappe dans la porte et donne-lui ça. Il ne dit pas que c'est moi. L'essentiel, c'est quoi? J'ai rendu ce que j'ai pris à cette personne. Oula. Maintenant, si j'étais avec cette personne, comme je t'ai dit, c'était la zina ou la adiklas, tu fais seulement le repentir entre toi et Allah subhanahu wa ta'ala, wallahu ta'ala, a'lam. Si tu veux encore, on en parlera, inshallah, la prochaine fois, inshallah ta'ala. Abu wa ummu lina, wa le petit talbul ilm qu'ils attendent. Tafadhal. Wa alaykum salam wa rahmatullah wa barakatuh. Cheikh. Un frère demande si vous connaissez le docteur Omar Abdelkafi. Est-ce que vous pensez de lui? Et est-ce que sa aqida est bonne? Hal yani andu aqida sahiha? Omar Abdelkafi. Naam, en ce qui concerne Omar Abdelkafi, il faut que tu saches, inshallah ta'ala, que ce n'est pas un salafi. Ce n'est pas un salafi. Ce n'est pas aussi un soufi ou là. C'est quelqu'un yani, qui penche un peu vers les Ikhwan Muslimin. Il est beaucoup plus proche des Ikhwan Muslimin, avec la cravate et le costume, etc. Hein. Mais ce n'est pas lui qui va t'apprendre la Aqida, Inch'Allah Ta'ala. Shayma 97, tafadhal Inch'Allah Ta'ala. Non, maintenant je remarque, il n'y a plus qui pose une question. Khlas. Maintenant, c'est Inch'Allah Ta'ala, ou bien deux questions, ou bien plus. Tafadhal, profite, tu as raison, ça, profite. Maintenant, tout le monde pose deux questions, car le tour, pour revenir le tour, c'est un peu difficile. Tafadhal, Shayma, 97, tafadhal, j'attends tes questions, Inch'Allah. Wa alaykum salam, au niveau du tawhid des noms et des attributs, Esma ou Sifat, Naam, vous avez dit que c'est divisé en quatre. Tahrif, changer de sens. Les deux autres, je n'ai pas compris. Naam, barakallahu fik, Shayma, quand tu poses quelque chose dans la aqidah, ça me fait plaisir. Barakallahu fik, naam. Quand j'ai dit quatre choses, ça veut dire que c'est les quatre choses qu'on ne doit pas faire. Hein. Ce n'est pas les quatre choses, bien sûr, qu'on doit faire. C'est les quatre choses qu'on doit pas faire. Ces quatre choses, Inch'Allah Ta'ala, je les ai bien expliquées dans des doulous qui sont passés. Mais peut-être pour des raisons où là, tu n'es pas avec nous. Inch'Allah Ta'ala, je vais les redire. La première, on doit pas faire le ta'til, la négation. Ça, on nie, on dit non, il n'y a pas. La deuxième, on ne fait pas le tahrif. C'est-à-dire, on doit changer le sens. La troisième et la quatrième, maintenant je me rappelle, je ne les ai pas dit aujourd'hui. Je crois que les deux autres, je crois, je ne les ai pas dit aujourd'hui, je crois. Je ne pense pas avoir terminé le DAF parce que je suis sorti du sujet, j'ai parlé sur les khalis, etc. Naam, justement, c'est ça, personne ne m'a fait la remarque. Personne ne m'a dit, tu as oublié les deux autres. La troisième chose, c'est temtil. Temtil, la ressemblance. La ressemblance, temtil. Yani, on dit, Allah Azzawajal a des mains, d'accord, il a des mains, mais ce sont comme mes mains. Allah Azzawajal, d'accord, il rit, mais il rit comme nous. Il rit avec une bouche, des lèvres et la langue, etc. Allah Azzawajal, il a des yeux, d'accord, mais il a des yeux avec des cils et des sourcils, etc. Tout ça, c'est haram, c'est la ressemblance, les ressembleurs. Donc ça s'appelle التمثيل. Est-ce que quelqu'un peut me noter en arabe phonétique, barakallahu fikoum? Je ne sais pas ce que ça veut dire en arabe phonétique. L'anthropomorphisme. L'anthropomorphisme. Temsil. L'anthropomorphisme. Donc, en arabe, tu dis temsil. Et certains disent c'est la ressemblance. Naam. Certains disent teshbih. Certains disent teshbih. Les ulama ont dit, de préférence, on dit temsil, on ne dit pas teshbih. J'ai montré pourquoi on dit temsil et on ne dit pas teshbih. Ceux qui ne savent pas, je vais leur dire pourquoi. Ceux qui savent, qu'ils le sachent, Inch'Allah, ça va tomber dans les devoirs. Allez. Et la quatrième, la quatrième, c'est, bon, ta'atel, tahrif, temsil, ou, pardon, une seconde, ta'atel, tahrif, temsil, ou, c'est le rabat, ta'atel, tahrif, temsil, ou tekif, tekif. La quatrième, ça s'appelle tekif. Tekif, qu'est-ce que ça veut dire tekif? Ça veut dire demander comment. À chaque fois, je te dis Allah Azza wa Jalla a quelque chose, je te dis il a deux mains. Tu me dis d'accord, mais comment qu'elles sont faites? Comment qu'elles sont faites? Il y a des doigts, avec des doigts et des doigts avec des ongles et les ongles de ceux-ci. Je te dis Allah Azza wa Jalla a des yeux. Et comment sont faits les yeux? Comment? J'ai pas compris. À chaque fois que je te dis une chose, tu me dis comment. Le comment, il n'y a pas dans la aqida, la vraie aqida. Seul Allah Azza wa Jal connaît le comment. Seul Allah Azza wa Jal connaît le comment. Pourquoi? Personne ne l'a vu. Personne ne l'a vu. Moi, quand on parle d'un dinosaure, on dit il avait des mains comme ça, mais j'ai jamais vu comment sont les mains. J'ai entendu parler, j'ai jamais vu. Allah Azza wa Jal, on ne demande jamais comment. Comment qu'il a, sont faites ses mains, comment qu'il rit, comment qu'il s'étend, comment qu'il descend, comment qu'il vient. Tout ça, on ne les demande pas. Donc, Inch'Allah Ta'ala, tu résumes, ma soeur, tu résumes tahrif. Ah, pardon, on avait dit ta'atil. Ensuite, c'est la négation tahrif, on change le sens. Ensuite, temsil, yani anthropomorphisme, avec temsil. Ensuite, quoi? Ensuite, tekif. Tekif, c'est dire comment. Chaque chose, on lui dit comment. Et Inch'Allah Ta'ala, hada on l'a fait, on va le refaire Inch'Allah Ta'ala très prochainement quand on va arriver dans ce livre. On va arriver à beaucoup de choses Inch'Allah Ta'ala qu'on a dites déjà, mais on doit les redire. Wallahu Ta'ala alam. 59, tafaddal, akhi al-karim, tafaddal. Fiki barakallah. Tafaddal, akhi 59. Peut-être qu'il n'est pas avec nous, hada le 59. Je donne, Inch'Allah Ta'ala, la parole à Warda Muslima. Tafaddali. Warda Muslima n'a pas dit deux questions, elle a dit quelques questions. Quelques. Inch'Allah, quelques, ça veut dire trois et plus. La première. Pourrais-tu répéter, min fadlik, le nom du premier Khariji? Ça, Dul Khouaysera. D'où, écris son nom si tu veux. Il s'appelle Dul Khouaysera. D'ailleurs, même il a un nom, je crois, un peu plus long. Il était d'une tribu qui s'appelait Tamim. C'est pour ça qu'on dit de lui Dul Khouaysera Tamimi. Dul Khouaysera Tamimi, ça veut dire qu'il était d'un endroit qui s'appelait Tamim. Est-ce que les Khawarij sont considérés comme musulmans? La plupart des ulamas, ont dit que ce sont des musulmans. Maintenant, en notre temps, il y a certains ulamas, certains grands ulamas qui ont dit que ce sont des kuffars. Certains grands ulamas qui ont dit que ce sont des kuffars. Mais la plupart ont dit que ce sont des musulmans. Une sœur qui voudrait faire hijra et étudier dans un pays musulman, sachant que ses parents sont contre elle. Il y a des sœurs. Doit-elle rester patienter chez eux ou peut-elle partir? En ce qui concerne ma sœur qui voudrait faire hijra, de préférence, elle ne part pas seule. De préférence. Car elle sera une proie, une femme seule. C'est une proie, surtout s'il y a beaucoup de prédateurs. S'il y a beaucoup de prédateurs, beaucoup de chacals qui attendent la proie, ce sera très difficile pour elle. C'est pour ça que je donne toujours une nasiha à mes sœurs qui veulent faire la hijra, c'est de se marier avant de faire la hijra. Ou bien, sauf si elle sait que quelqu'un l'attend là-bas pour se marier. Ce sont les deux choses les plus meilleures. Yani, elle se marie, elle va là-bas. Ou bien elle cherche là-bas quelqu'un qui veut se marier avec elle, et elle part, Inch'Allah Ta'ala. Parce que c'est haram qu'elle s'en aille, je me préfère attendre que l'un des membres de sa famille fasse hijra. Non, voilà, la quatrième et la troisième, c'est la même chose. Il vaut mieux qu'elle n'aille pas seule. Il vaut mieux qu'elle n'aille pas seule. C'est très difficile pour une femme d'être seule dans la ghurba, dans un pays, dans un autre pays. C'est très difficile pour une femme d'être seule là-bas. Et elle risque de, yani, tomber dans des pièges, et elle risque de, yani, faire que son din hada parte. Et elle veut partir là-bas pour le visage d'Allah subhanahu wa ta'ala, alors qu'elle risque, il va lui se passer des choses, yani, énormes, et qu'elle pourra pas, yani, s'en éloigner. Allahu ta'ala alam. Je lui donne conseil, inshallah ta'ala, qu'elle cherche, si elle peut, quelqu'un avec lequel elle se marie, elle fait la hijra. Ou bien, dans notre pays, s'il y a quelqu'un qui l'attend là-bas pour l'épouser, Allahu ta'ala alam. Chef du son, salam alaikum. J'ai une question à vous poser, comme vous le savez, on est en France, et d'ailleurs, chef du 59, pourquoi tu écris comme ça grand? Ah, c'est très grand, Ali. Pourquoi tu n'essaies pas un peu plus petit? J'ai une question à vous poser, comme vous le savez, on est en France, et d'ailleurs, comme dans un pays musulman, Maroc, Algérie, il y a la crise du logement. On loue un appartement. On paye une somme d'argent et on va payer le crédit pour l'achat du site. Ensuite, Ouarda Muslim a dit s'il n'y a pas de mariage, elle reste chez ses parents. Non, elle reste chez ses parents jusqu'à ce que Allah Azza wa Jal lui ouvre les portes. Jusqu'à ce que Allah Azza wa Jal lui ouvre les portes, elle trouvera quelqu'un, inshallah ta'ala, avec qui elle fera la hijra. Ou bien, quand quelqu'un veut lui demander la main, elle fera dans les conditions de la hijra. Elle dit, d'accord, j'accepte ce mariage, mais à condition qu'on fasse la hijra, que je ne vive pas dans ce pays. Et Allah Azza wa Jal sait ce qu'il y a dans les cœurs, et il l'aidera, bi'idhnillah subhanahu wa ta'ala. En ce qui concerne ce que tu as dit, RI 59, je ne connais pas quelqu'un, yani, des grands savants, qui a dit que dans ce cas, il peut emprunter de l'argent. Si tu sais toi, RI du 59, si tu sais que qu'il y a quelqu'un qui a dit c'est permis, et que c'est un grand alim, comme Cheikh Al-Fawzan, Hafidahullah, comme Sidhan, comme ceux-là, les grands, c'est pas la peine de me demander. Yani, inshallah ta'ala, tu fermes les yeux et tu prends de leur avis. Parce que ce sont des grands ulamas. Si tu me parles maintenant des ulamas des autres, hadou, je ne crois pas qu'il est possible de faire cela. Je ne crois pas, c'est par exemple comme Cheikh Al-Albani, je suis sûr qu'il ne permet pas cela, sauf dans la daroura. Tu sais la daroura? Ils disent quelqu'un avec sa famille vit chez les gens. Quelqu'un avec sa famille, qu'est-ce qu'il dit? Il vit chez les gens. Moi, avec ma femme, chez le voisin, deux enfants chez le deuxième voisin, et trois enfants chez le troisième voisin. Là, je suis vraiment dans la daroura. Maintenant, j'ai une tente, et avec ma famille, je suis dans la tente, dans un jardin public. On est en plein jardin, les gens passent, nous regardent, se moquent de nous, etc. Celui-là, il est dans la daroura. Mais comme ça, Yanni, dire, je veux une maison, donc c'est la daroura, je t'ai dit. Si ce sont les grands ulama qui ont dit, c'est pas la peine de me demander. Si ce n'est pas eux, il faut être, inshallah ta'ala, dans la daroura. Wallahu ta'ala alam. J'ai une question à vous poser. Vous savez, on est en France. Ah, ça. Allez, c'est Oum Abdullah qui a fait ça. Barakallahu fik. Jazakallahu khair. Naam. Hakim, la barre, naam, la barre ouest, la nécessité. RI du 59, une question comme celle-là, tu la poses, inshallah ta'ala, au ulama. Wallah. Moi, c'est très difficile pour moi de répondre à une question pareille. Pose-la, inshallah ta'ala. aux oulamas, les grands oulamas, et en même temps, tu nous diras ce qu'ils ont dit, pour qu'on profite, inshallah ta'ala, de leur ilm. C'est quelque chose qui me dépasse. Wallahu ta'ala a'lam. J'ai dit les limites, la daroura, j'ai dit quelqu'un qui vit chez les voisins, quelqu'un qui vit dans la tente, il vit dans une tente, quelqu'un, ils sont 10 dans une chambre, ils ont un appartement qui a une chambre, ils sont 10 dans la chambre, etc. Ce sont, inshallah ta'ala, des daroura. Inch'Allah ta'ala, chef du 59, tu demanderas aux ulama et tu me diras ce qu'ils ont dit, inch'Allah ta'ala. Moi, personnellement, je ne réponds qu'aux choses que je connais, inch'Allah ta'ala. Wallahu ta'ala alam, et tu m'excuses que je n'ai pas de réponse. Ayyub, tafaddali, barakallahu. Les signes pour connaître un salafi, ils sont très nombreux. J'ai dit que quelqu'un, par exemple, qui n'est pas salafi, il parle toujours de la politique. Tout le temps, la politique, la politique, la politique. On va aller au Parlement, on va faire ceci, on va. Quelqu'un qui n'est pas salafi, ça ne l'intéresse pas. Ce qu'il appelle lui, il les appelle des futilités. Ce qu'on appelle nous, la sunna. Lui, le prophète, alayhi sallam, il aimait le siwak avant de dormir, il disait cela. Quand il s'habille, il disait cela. Ça ne l'intéresse pas, au moins. Ça ne l'intéresse pas. Celui qui n'est pas salafi, il n'aime pas faire ce que faisait le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Dans ses habits, dans de toutes ces choses-là, ne l'intéresse pas. Le vrai salafi, c'est quelqu'un qui aime faire, ou là, aime yani, faire au maximum ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait. Il aime la aqida, apprendre la aqida. Il aime faire la da'wah aux gens. Il leur parle de la aqida, il leur parle du tawhid. Il parle beaucoup de tawhid. Et bien sûr, il y a beaucoup, beaucoup de signes. Il y a beaucoup, beaucoup de signes. Inch'Allah ta'ala, à chaque fois, je dirai un ou deux. Mais, Inch'Allah ta'ala, quand on va commencer le livre du Minhaj, qui s'appelle Sunnah de l'Barbahari, Inch'Allah ta'ala, quiconque, chacun de nous se reconnaîtra très facilement s'il est dans la voie du salaf ou pas. Un vrai salafi ne fait jamais, ne cherche jamais à combattre le gouverneur. Un vrai salafi, il... Tant que le gouverneur est musulman, il lui dit, ça mène à ta'na dans les choses qui ne sont pas interdites. Même un salafi, un vrai salafi, même si le salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, est-ce qu'il y a du sang parce que j'étais déconnecté? Est-ce qu'il y a du sang? Naam. Qui m'avait posé la question? Je crois, Omhaj, je crois. Est-ce que tu as entendu la réponse? Celle qui m'avait parlé de comment reconnaître les salafis. Est-ce qu'elle a entendu la réponse? Parce que je ne savais pas que j'étais déconnecté. J'attends votre réponse. Oumadjar, est-ce que c'est toi qui as posé la question sur les salafis? Est-ce que c'est toi? Est-ce que tu as entendu la réponse? J'avais dit que... Maintenant, est-ce qu'elle est en train d'entendre? Parce qu'elle ne répond pas. Je lui ai enlevé le point rouge. Ça longtemps. Naam. J'avais dit que pour être salafi, il y a des signes, plusieurs signes. Je ne peux pas maintenant, je ne les ai pas tous dans ma tête. Mais parmi les grands signes, je disais qu'un salafi, il aime le tawhid, il aime la aqida. Il fait l'akhar. Il parle beaucoup d'aqida. Quand il fait sa da'wah, il l'a fait comme les prophètes. Il montre aux gens la aqida, comment adorer Dieu. Il parle des noms, des attributs. Celui qui n'est pas salafi, il n'aime pas cela. Il aime la politique. Il se dit, on parle du gouverneur. Pourquoi qu'il ne juge pas avec l'islam, etc. Celui qui est salafi, il lit beaucoup de livres. Les livres des salafs. Il est en train de lire, de résumer. Les autres, ils lisent les journaux beaucoup. Beaucoup. Beaucoup de journaux. Les journaux. Les magazines. Mais ils ne lisent pas les livres où il y a les hadiths, etc. Naam. Ensuite, le vrai salafi, il n'explique jamais une chose de sa tête. Jamais. Quand tu lui dis d'où tu as lu cela, il t'a dit, j'ai vu le tafsir de Ibn Kathir. Dans le hadith, j'ai lu Ibn Hajr Fath al-Bari. J'ai lu, c'est lui qui a expliqué, c'est pas moi. Celui qui n'est pas salafi, il explique sa tête. Il prend un hadith, il prend quoi? Et il commence à donner comme ça, expliquer aux gens. Le salafi, jamais. qui dit moi, je voudrais comprendre l'islam comme l'ont compris les autres, mes prédécesseurs, mes pieux prédécesseurs. C'est pas comme je le comprends moi, comme le comprennent les tekfiriyin ou les khawarij. Non, je le comprends comme le prophète Aslam l'a compris et comme l'ont compris les sahaba radiallahu ta'ala anhum. Ensuite, le vrai salafi, il aime le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il aime faire comme lui dans toutes les choses. Celui qui n'est pas salafi, tu lui parles du siwak, là tu lui dis par exemple le prophète alayhi wa sallam, quand il, par exemple, sortait des toilettes, il disait ceci, avant de rentrer, il disait cela. Il te dit ça, c'est pas important. Non, c'est pas important, laisse-nous cela. On va arriver d'abord au parlement, ensuite on va parler. On commence par le parlement, et après on va parler. Et bien sûr, cela, jamais Allah Azza wa Jal ne les laissera arriver, même s'ils arriveront, ils ne feront rien. Et ça a été prouvé. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas dans le chemin droit. Inch'Allah, à chaque fois, je donnerai certains signes, Inch'Allah ta'ala, parce que je ne me, ne sont pas dans ma tête maintenant. Allah ta'ala, je demande à mes frères et mes sœurs qui vont poser maintenant des questions, que chacun, Inch'Allah ta'ala, pose une seule question. Il choisit la meilleure question qu'il a, la plus nécessaire. Il la pose, Inch'Allah ta'ala, car il reste beaucoup qui ont levé la main, et il ne reste du temps qu'un peu. Mohamed 54, tafadhal barakallahu fik. Akhi Mohamed, je t'ai enlevé le point rouge et je t'ai donné le micro. Tafadhal tawakkal ala Allah. Abou Mohamed a écrit quelque chose que je ne vois pas mal à SF, mais c'est une sœur qui m'a dit ce qu'il a écrit. C'est écrit quelle est la différence. C'est Oum Hajar. D'abord, j'ai passé son tour. C'est écrit la différence entre le naf et l'âme. Ou est-ce que c'est la même chose? Je ne sais pas ce que c'est le naf. Le naf, je ne sais pas ce que ça veut dire. D'abord, avant cela, puisque je ne vois pas ce que vous écrivez, je dois sortir une seconde et réentrer. Il n'est pas possible que je reste comme ça. Je sors une seconde et je rentre, Inch'Allah ta'ala, une seconde. Salam alaikum. Salam alaikum. Bien sûr, j'ai pris la place de Mhajar. Khalas, laisse Inch'Allah ta'ala Mhajar et ensuite toi, Inch'Allah ta'ala. Bon, oui, Mhajar, je lui enlève le point rouge. Mhajar, t'as fait la vie. Call Inch'Allah ta'ala ce que tu vas dire. Salam alaikum wa barakatuh. Vous avez dit que bientôt, Inch'Allah, vous allez faire des dates sur différentes sunnahs. Sunnah mu'akkada, c'est naam. Il est quoi? Il est comme cool. Makro, mustahab, etc. Il est chokm. Est-il possible aussi de voir, etc. Est-il possible aussi de voir, Inch'Allah, la science du hadith? Comment elle devient daif? Naam. Il est. Il devient daif, il est degré. Naam. Ça, c'est très important. Inch'Allah ta'ala, je le ferai. Ça, c'est très important. Inch'Allah ta'ala, je le ferai. Mais je sais que certains sœurs m'ont envoyé, nous écoutons pour ce moment, certains sœurs m'ont fait apprendre qu'elles vont voyager pour 2 ou 3 semaines et qu'elles regretteraient de ne pas assister des cours, bien sûr, et qu'il y a beaucoup de choses qui vont passer sans qu'elles y assistent. Maintenant, pour cela, je ne sais pas comment faire. Je ne sais pas si à cause d'elles, ses sœurs, je m'arrêterai un peu ou je ne sais pas comment je vais faire. Je ne sais pas comment je vais faire. De toute façon, je réfléchirai, Inch'Allah ta'ala. Est-ce qu'il y a une différence entre nefs et l'âme? Ou est-ce la même chose? Akhi Mohamed 054, jusqu'à présent, personne n'est arrivé à trouver la réponse à ta question. Personne n'est arrivé et Ibn Qayyim al-Rahmatullah dans son livre Ruh a essayé par plusieurs délits, etc. Mais c'est quelque chose, si on peut dire, l'ilm alladhi la yinfa. Quand tu apprends ça, tu n'as rien gagné. Et si tu ignores cela, tu n'as rien perdu. Donc, dis que c'est la même chose ou ne dis pas, il n'y a aucun délit comme ça clair qui montre cette chose. Et la plupart disent que c'est la même chose. La plupart disent que c'est la même chose. Et qu'Inch'Allah ta'ala, ne t'occupe pas beaucoup de cela, car si tu vas l'apprendre ou ne pas l'apprendre, ça ne va rien t'ajouter ou te retrancher. Inch'Allah ta'ala. نعم جو مونتي اكي لو بو دو لا في تفضل On me dit qu'il n'y a pas de son. Subhanallah al-Azim. Ça fait maintenant 2 ou 3 minutes que je suis en train de parler. Est-ce que vous n'avez pas entendu ce que j'ai dit sur la première question ou là vous avez entendu? Naam. Est-ce que quelqu'un a entendu la première réponse? On se concerne l'homme. On se concerne l'homme. Comment qu'il s'habille? Est-ce que vous avez entendu la réponse de l'homme comment il s'habille? Non. D'accord. Alors, je répète comme ça très vite. Je répète très vite. Hein. Inch'Allah ta'ala, je répète très vite. L'homme doit ne pas s'habiller avec quelque chose qui, par exemple, lorsqu'il s'incline pour faire la prière, on va voir ses formes. C'est pour ça qu'il y a un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam où il est dit que lorsque quelqu'un met un pantalon, il doit mettre le rida. Le rida, ça veut dire comme une cape. Comme ça sur ses hanches, que comme ça, lorsqu'il s'incline, on voit pas bien ses formes, on voit pas ses formes. Sauf s'il a un pantalon, par exemple, large, un pantalon assez large, ou bien, comme je viens de dire, par exemple, maintenant il n'y a pas, par exemple, un drap, on ne va pas mettre un drap marcher dans la rue, mais on a, par exemple, une chemise assez longue qui descend par derrière, ou là, une veste, ou là, un manteau, ou là, etc. Surtout quand on fait la prière, on s'incline, n'oublie pas que c'est là, c'est pour lui la prière et qu'il est en train de te voir. La deuxième chose, pour l'homme, il doit mettre un peu, s'habiller un peu, ne serait-ce que de 3 ou 4 centimètres sur, au-dessus de la cheville. Il ne doit pas laisser la chose descendre au-dessus, au-dessous de la cheville. Il doit faire monter un peu au-dessus des chevilles, au-dessus. Donc, je pense à la femme, puisqu'elle est moulant avec hijab, où sont les en enfer? Avec hijab, où sont les gens? Qu'est-ce que ça veut dire moulant? Qu'est-ce que ça veut dire moulant? Non, j'attends que vous m'écriviez que ça veut dire moulant. Qui serre la peau. Non. Qui serre. Non. Non, quelque chose de serré. Ça, quelque chose de serré. C'est interdit à une femme de mettre quelque chose de serré, même si c'est un hijab. Même si c'est un hijab, si c'est un hijab qui laisse voir les formes, de façon que lorsqu'elle marche, je vois dans son dos, je vois les formes de son corps, celle-là, elle a fait le hijab. Naam. Naam. Donc celle-là, elle a fait un péché. Elle doit mettre quelque chose qui est large. Quelque chose qui est large. Comme ça, je ne vois pas son corps à l'intérieur de son hijab ou son djilbab. Je ne vois pas son corps. Je ne devine pas comment qu'il est son corps. Parce que certaines, quand elles mettent un hijab et quand elles mettent serré, peut-être que si elle avait mis la jupe, elle aurait été moins attirante. Elle aurait moins attiré. Avec le hijab serré comme ça, que peut-être elle va attirer l'attention beaucoup plus. Est-ce qu'elle va aller en enfer ou pas? Ça, c'est Allah Azza wa Jal qui dira si elle va aller en enfer ou va pas aller en enfer. Il y a le hadith qui dit Kassiyat ariyat ma'ilat mumilat. Il parle, il dit, certains sont habillés, kassiyat, mais pour Allah, elles sont nues. Elles sont habillées ici, mais pour Allah, elles sont nues. Pourquoi? Elles ne se sont pas habillées, elles ne se sont pas habillées le vrai habit. Donc elle est habillée pour elle, mais pour Allah Azza wa Jal, pour sa sharia, elle est nue. Ensuite, il a dit, « La yitrulna al-jinnah wa la yajidna riha. » Il a dit, elles ne vont pas aller au paradis, et elles ne vont pas sentir son odeur. Bien sûr, les ulama ont un tafsir spécial pour ce hadith, mais je le laisse, inshallah ta'ala. En ce qui concerne le hijab, le Coran dit jusqu'à la poitrine. Le Coran n'a pas parlé du hijab ici, jusqu'à la poitrine, il a parlé du voile. Il a parlé du khimar. Le voile qu'on met sur la tête, il va jusqu'à la poitrine. Il n'a pas parlé du hijab. Le hijab, c'est ce qu'on met, il commence des épaules, il descend jusqu'en bas, il s'appelle le hijab. Ce qu'on met sur la tête, il s'appelle le khimar. Ce qu'on met sur le visage, il s'appelle le niqab. Barakallahu fik. Hatta on ne change pas les mots, ensuite ça va tout changer. Donc on va, inshallah ta'ala, apprendre ce qu'on met sur la tête, il s'appelle le khimar, comme a dit l'Azul dans le Coran. وَيَدْرِبْنَا بِخُمُرِهِنَّ. C'est le khimar, c'est le foulard qu'on met sur la tête. Ce qu'on met sur le visage, on voit seulement les yeux, on le met sur le nez, on voit seulement les yeux, ça s'appelle le niqab. s'il cache toute la tête, s'il cache tout le visage, il descend d'en haut de la tête, il descend jusqu'au cou, il s'appelle le sitar. Il s'appelle, ou bien il s'appelle le munzadel. Les deux sont justes. Si elle met quelque chose, un vêtement qui commence des épaules, il descend jusqu'en bas. On l'appelle le hijab. Si elle met un vêtement qui commence de la tête jusqu'au bas, jusqu'au pied, il s'appelle le jilbab. Donc, inshallah ta'ala, soyons yani, précis et clairs dans les mots techniques, inshallah ta'ala. En ce qui concerne la burqa, je n'ai jamais entendu parler de ça. Quelqu'un me dit, c'est quoi la burqa? Je n'ai jamais entendu que ce mot. C'est la première fois dans ma vie que j'entends ce mot. Peut-on consulter un psychologue? Bien sûr, il n'est pas interdit de consulter un psychologue. Il n'est pas interdit de consulter un psychologue. Je voudrais seulement vous dire que celui que Allah Azza wa Jalla a guidé, il n'a pas besoin de psychologue. Le psychologue, qu'est-ce qu'il va me dire? Il va me dire des choses comme ça. Hein, est-ce que tu es malade? Est-ce que tu es fatigué? Combien tu as d'enfants? Combien? Tout ça, ça va ne m'avancer en rien. Ça va ne m'avancer. Il n'y a pas un médicament plus fort que le Coran et la Sunna. Il n'y a pas un médicament plus fort que le Coran et la Sunna. Quand je connais le Coran, je connais la Sunna, et que je suis, yani, j'essaie de faire ce que Allah Azza wa Jalla veut, j'essaie de m'accrocher à la Sunna, je sens un bonheur qui descend en mon cœur, que tout l'argent du monde ne me le fera pas venir. Donc le psychologue, pour celui qui veut aller, ce n'est pas interdit. Mais je sais que à 80%, il ne pourra rien faire. Pourquoi? Parce que le psychologue ne va pas parler avec les hadiths et la sunna. Allah Azza wa Jalla, il a dit du Coran, il contient quoi? Il contient le médicament. Quiconque a bien compris le Coran et suit bien la sunna, il sera des plus heureux du monde, même s'il est le plus pauvre. Mais celui qui veut aller au psychologue, qu'il aille. Inch'Allah ta'ala. Om Sakina tafadali. أم سكينة. سكينة دي وعليكم السلام وبركاته فوالا شيخ جي دي سوسي سويتا بوان كونسي سوفن لو سوار افون دومي جي بور دو مون دومي كا جي بور دو موير باسكو ان فيت جي بور دو لا مور و دو تو سكي اون ديكول اي دونك جو فودري سافوار سي سي بون دون افوار بيور سو بوان و كي كونسي مو دوني فو بارك الله فيك كي بارك الله أم سكينة tu dois te dire que personne ne sait quand il va mourir. Personne ne sait quand il va mourir. Même un prophète ne sait pas qu'il va mourir. Jusqu'à ce que vienne l'ange, prenne ça, yani, son âme. Ça, tout le monde doit le savoir, c'est écrit dans le Coran, bien sûr. Donc, si on a peur de mourir, une peur naturelle, ce n'est pas interdit. Mais si on a peur de mourir au point d'avoir le ouswes, et deux, yani, ne plus rien faire. Viens, on va sortir un peu. Non, je vais mourir. Viens, on va acheter des vêtements. Non, je sors pas, je vais mourir. Viens, on va, je ne sais pas où, voir les amis ou leur rendre visite. Non, je vais mourir. Viens, on va écouter un dars dans la mosquée. Non, je vais mourir. Mais, celle-là, elle n'est pas permise. Celle-là, ça rentre dans le ouswes. Mais si c'est une peur, yani naturelle, tout musulman, tout croyant a peur de mourir, celle-là, au contraire, celle-là, elle est bien. Si c'est une peur naturelle. C'est pour ça que avant de dormir, personne ne sait s'il va mourir ou s'il ne va pas mourir. Il dort et il ne sait pas s'il va se réveiller ou ne va pas se réveiller. Mais en principe, il ne faut pas avoir cette chose-là, car de temps en temps, elle est petite, ensuite elle commence à grandir. Des fois, elle nous vient seulement la nuit, ensuite elle commence à s'élargir. Ensuite, elle devient la demi-journée, ensuite elle devient toute la journée, ensuite le jour et la nuit. C'est pour ça que toi, Inch'Allah Ta'ala, avant de dormir, tu lis un peu de Coran, tu lis Qul ya ayyuhal kafirun, ou bien tu lis le Mu'awidat, ou bien tu lis Aman al-Rasul bima unzila ilayhi min rabbihi, et tu dors, Inch'Allah Ta'ala, mutma'inna, et tu te dis Alhamdulillah, que la mort, non, tu fais tout ça, khlas, maintenant tu as seulement besoin de quelques conseils, tu dis quoi? Tu dis Alhamdulillah que la mort c'est en les mains d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et que tu ne peux pas mourir s'il ne m'a écrit ça. Et que Alhamdulillah que je fais la prière, que je fais ceci, cela, je me compare moi aux pervers et aux perverses. Hein? Toi, tu es maintenant assise en train d'apprendre le dîn. D'autres sont maintenant dans le cabaret en train de danser et boire de l'alcool. Donc avant de dormir, alhamdulillah, tu dis alhamdulillah, il a dit hadana li hada, wa ma kunna li nahtadiya lawla an hadana Allah. Et tu dors, yani, heureuse, même si tu meurs, alhamdulillah. Qui est mieux que toi? Tu lis le Coran, tu as fait les prières à l'heure, tu n'as pas, inshallah ta'ala, tu t'es éloigné des grands péchés. Yani, hada, si tu meurs, yani, c'est bien. Si tu meurs, c'est bien. On souhaite la mort à personne. Mais, inshallah ta'ala, essaye d'éloigner ça de toi. Tu essaies d'être naturel, inshallah ta'ala. Et pourquoi? Pour que ça ne devienne pas un ouswes. Pourquoi je te dis cela? Pour que ça ne devienne pas un ouswes. Dors, inshallah, naturel. Dis-toi dans ta tête, demain, inshallah, je vais me réveiller, je vais faire salat al-fajr. Demain, inshallah, le soir, il y a un dars, je vais, inshallah, ta'ala, assister, etc. Wallahu ta'ala, alam, inshallah, ni wafiqaki wa yufiqana jami'an. Il dit, c'est bon, estafadl, barakallahu fiqh. Kiki, barakallah, mshafina, jazakallahu khayri. Il dit, c'est bon, Cheikh Barakallahu fi, concernant ma première question tout à l'heure et le hadith que vous avez cité, moi en fait j'ai prêté une somme d'argent à un frère à qui je fais beaucoup confiance. Il m'a dit de me rendre dans un mois, après il me dit patiente encore. Maintenant, cela fait plus d'un an que la somme ne m'est pas rendue, sachant qu'il n'y a pas eu d'écrit entre nous. Est-ce que le hadith pour cela, vous avez s'applique sur moi ou pas? Jazakumullahu khayran. Naam, le hadith, inshallah ta'ala, il ne s'applique pas. Si la personne, par exemple, ne connaît pas ce hadith. Si la personne, par exemple, ne connaissait pas ce hadith. Ensuite, le vrai sens du hadith, il faut que je le lise, inshallah ta'ala. Laisse-moi, inshallah ta'ala, lire ce hadith, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de gens qui ne font pas cela. Moi, une fois, j'ai prêté de l'argent à quelqu'un, et j'ai pas fait ces deux témoins. Donc, je voudrais bien savoir quel est le sens, inshallah ta'ala, de ce hadith. Quel est le sens de ce hadith? Car la plupart des ulama disent, tu n'es pas obligé de faire cela. D'ailleurs, il y a même le verset et que c'est seulement une sunna. Donc, j'aimerais, inshallah, awalan, retourner, comme j'ai dit tout à l'heure, aux explications des ulama pour voir ce que veut dire ce hadith exactement ici. Ensuite, quand tu prêtes l'argent à quelqu'un, c'est interdit de lui dire rends-moi l'argent. C'est interdit. Allah Azza wa Jalla a dit dans le Coran, fanaviratun ila maisara. Tu dois attendre jusqu'à ce que il ait cet argent. Sauf si tu vois qu'il est en train d'acheter des choses, d'acheter une voiture, d'acheter des meubles, d'acheter la télévision, d'acheter. Là, tu dois lui dire, pardon, rends-moi mon argent, je t'ai pas donné mon argent pour acheter ces choses-là. Wallahu ta'ala a'lam. On descend à notre frère qui est plus bas. Tfadl akh Paris. Tfadl. Alhamdulillah, tu connaissais pas le hadith. Alhamdulillah. Naam. Alhamdulillah, tu connaissais pas le hadith. تفضل فرنش باري تفضل quelle est l'importance des quatre écoles de jurisprudence مذاهب et comment devons-nous porter notre compréhension à leur sujet barclofé نعم les مذاهب les quatre ce sont les grandes écoles de l'islam ce sont les grandes écoles les quatre grandes écoles de l'islam je voudrais dire à mes frères et mes sœurs que personne n'est obligé de suivre l'un de ces quatre écoles personne ce sont tous des grands ulama, les quatre, de grands ulama, mais tant qu'il y a un hadith qui est clair, et qu'il y a des ulama qui ont dit, voilà le sens de ce hadith, et voilà le sens de ce verset, personne n'est obligé de suivre l'un des quatre, l'une des quatre de ces grandes écoles. Seulement, quand quelqu'un ne trouve rien, là, il est dans l'embarras, il n'a plus rien trouvé, comment faire, il est dans une situation difficile, s'il prend une fatwa de ces quatre grandes écoles, inshallah ta'ala, il a fait ce qu'il fallait faire. C'est pour ça que Cheikh Al-Albani a dit, le madhab, il doit être considéré un peu comme lorsque tu es dans la baroura et tu manges la meïta, tu manges quelque chose qui est morte. Est-ce que quelqu'un, par exemple, maintenant peut manger un mouton qui n'est pas égorgé? C'est haram. Mais quand il est dans l'obligation, il va mourir. Qu'est-ce qu'il fait? Il mange un mouton non égorgé. Il est dans la baroura. La même chose pour les madaïb. Tant qu'il y a le hadith clair, il y a des gens qui t'expliquent directement la sunna, des gens qui te montrent comme ça, directement, voilà la sunna, voilà la sharia, tu n'es pas obligé de suivre aucune école, sauf quand tu seras, inshallah ta'ala, dans la baroura, mais tu dois respecter ce qu'on dit, ces quatre grands oulamas, ce sont les quatre, yani, des plus grands oulamas que l'islam ait connu, et nous, yani, on se vante de leurs écoles et de ce qu'ils ont écrit, mais on ne dit pas, ce sont des infaillibles, on ne dit pas aux gens, vous devez les suivre, ou bien vous allez à Jahannam. والله تعالى أعلم. السلفي تفضل. السلفي. يا أن فخير كي بودري سافوار سو كو فو بونسي دو مغراوي إي سي فريمون تكفيري بارك الله فيك يا شيخ. جوسكا بريزون جو ني با لا ريبونس سور سيت بيرسون أخي السلفي. سور سيت بيرسون جو ني با. جي لو بوكو دو جون أون إنترنت إكسترا دير دو لوي تكفيري إلى إنسولتي إكسترا إكسترا. مي موا طون جو ني با كيلكو شوز أن دليل بويسون Je ne peux pas parler sur quelqu'un que je ne connais pas. Il faut que, inshallah ta'ala, je lise ce qu'on dit, les grands ulama sur lui, etc. Maintenant, j'ai lu certains talib'il, les talib'il qui parlent de lui, etc. Ça, pour moi, ce n'est pas assez convaincant. Il faut que, inshallah ta'ala, je sache ce qu'on dit, les grands ulama sur lui. Là, je te dirai, cette personne, il faut la suivre ou il ne faut pas la suivre. Donc, inshallah ta'ala, en ce qui concerne Adel Maghraoui, je n'ai pas encore gagné quelque chose de solide. D'ailleurs, je ne connais pas cette personne. Je ne connais pas bien. Wallahu ta'ala al-malkin. Vous pouvez, yani, c'est simple, vous pouvez téléphoner au grand ulama pour leur demander leur avis sur lui. Car moi, j'ai entendu beaucoup de choses sur lui, mais je ne sais pas si ces choses sont vraies ou sont pas vraies. Demandez, inshallah ta'ala, au grand ulama et apprenez-moi ce qu'ils vous ont dit. Barakallahu fikum. Shumisha tafallal barakallahu fikum. جزاك الله خيرا بارك الله فيك حياك الله اخينا عليكم السلام ورحمه الله اخي شوميشا يا غيان je voudrais dans un premier temps savoir ensuite il y a rien ah si les frères musulmans les chiites aux divisions d'islam sont nos frères bien qu'ils font des innovations d'autres choses entre le Coran et la Sunna ceux-là faisant sortir les chiites. Les chiites, on est fait sortir. On va seulement parler des frères musulmans, si tu veux. Les chiites, ceux-là, les chiites, ils ont des grands problèmes avec l'islam. Car certains d'eux, tu vois, on parle du Hezbollah. Naam, il faut que tu saches, naam, Hezbollah chiite, il faut que tu saches que Hezbollah, que son chef, qui s'appelle Nasr ou quelque chose comme ça, que c'est l'un des plus grands chiites, Naam, c'est l'un des plus grands chiites qui insulte Abu Bakr et Omar. N'oublie pas cela. Hein, quand les gens ne savent pas, ils disent Hezbollah, c'est un hizb khabith. Hezbollah, c'est un hizb khabith du shaitan. Voilà, Hezbollah, c'est un hizb khabith du shaitan. Les chiites qui insultent les sahaba, dis à celui-là, Nasser Hadako, comment il s'appelle, du Liban, Nam, dis-lui de dire Abu Bakr radiallahu ta'ala anhu, tu vois s'il le dit. Dis-lui Omar radiallahu ta'ala anhu. Maintenant, au même moment où moi je suis en train de vous parler, il y a des milliers de nos frères et nos sœurs en Irak qui sont tués par les chiites. Cette semaine ou là, ça fait seulement 15 ou 20 jours, Ils ont tué des centaines parce qu'ils s'appelaient seulement Omar. Voilà leur péché. Leur péché de s'appeler Omar, comme Omar ibn al-Khattab. Ils les ont tous égorgés. Les gens sont en train de fuir les sunnis de l'Irak. En Iran, c'est interdit d'avoir une mosquée de sunna. C'est interdit en Iran, pour que tu le saches. Ceux-là, les chiites, fais-les sortir à part, on ne va pas parler d'eux. Allez, parce que ce sont les plus égarés en ce moment-là et en notre époque. Ce sont les plus, la secte la plus égarée. Et un jour, Inch'Allah, on va parler d'eux avec beaucoup plus de détails. Donc, il faut n'importe quoi. Je n'ai pas compris ça. Donc, les chiites au Liban, il faut n'importe quoi alors. N'importe. Toi, tu demandes, quand tu fais des doigts, tu demandes à Allah Azza wa Jal qu'il fasse triompher l'islam. Non, qui demande. Je veux dire qu'il. Bien sûr, si tu as des doutes sur les fondements des chiites et les fondements qui sont au Liban, il faut ne plus en avoir doute, en avoir de doute. Les chiites, ce sont, tu peux dire, les ennemis de l'islam, si tu veux dire cela, dis-le. Sauf qui? Sauf les vieux et les vieilles, etc., qui ne savent pas. Il y a des vieux et des vieilles, des enfants et ça, qui ne savent rien. Et je te parle de ceux qui savent, qui disent on est des savants, comme celui de le chef de Hezbollah, comme leur grand chef, les chefs qui sont en Iran, et Khomeini, et l'athlète, tout cela. Tout cela, ce sont les vrais ennemis des Sahaba, de la Sunna, et d'Allah subhanahu wa ta'ala, et de Aïcha, et des femmes du prophète, et. Là, inshallah ta'ala, quand on va arriver au sect, tu vas voir, je vais te montrer ce que disent les chiites en islam. Al-Muhim, quant au frère musulman, ce sont tes frères par rapport à quoi? Par rapport aux juifs et par rapport aux autres. Mais ils ne sont pas dans la sunna. Il faut que tu saches ça. Ils ne sont pas de Ahl sunna ou jama'a. Tu dis, ce sont des musulmans par rapport aux kuffar, bien sûr. Ce sont des musulmans. Mais tu ne dis pas que ce sont des sunna ou jama'a. Alors je veux savoir pour les ikhwan muslims qui disent que les chiites sont nos frères. Naam, naam. Les ikhwan muslimines disent les chiites sont nos frères. Nous on dit non, ce ne sont pas nos frères. Ce ne sont pas nos frères. Pourquoi? Parce que les frères musulmans, comme je te disais, ne s'intéressent pas au manhaj, ne s'intéressent pas au salaf, ne s'intéressent pas. Ils veulent le regroupement, ils veulent le monde. Ils veulent le monde. Ils disent les chiites sont nos frères. Certains disent plus que ça. Les chrétiens sont nos frères. Alors, les frères musulmans, ils disent les chrétiens sont nos frères. Ikhwanuna Nasara. Ils font même des doigts. Ils font des doigts aux chrétiens. Ils font ceci, ils font cela. Ils disent qu'ils suivent le salaf. Ça, tout le monde dit qu'il suit le salaf. Tout le monde dit qu'il suit le salaf. Mais nous, on doit dire que le salaf, c'est une chose à part. Le salaf, ce n'est pas parler seulement. Le salaf, c'est qu'il faut être salafi ou ne pas l'être. Être salafi ou ne pas l'être. Wallahu ta'ala a'lam. Il reste beaucoup à dire, lakin, inshallah ta'ala, on sera pour une autre fois, inshallah ta'ala. Tafadhal Abbas, barakallahu fik. Est-ce que c'est obligatoire d'aller à la mosquée en sachant qu'en France on n'entend pas l'adhan, barakallahu fik? Naam. Si tu étais à une distance que s'il faisait le adhan, tu l'entendais, il faut aller. Si tu es dans une distance, que s'il sortait, le bonhomme qui est à l'intérieur de la mosquée, il monte sur le plafond, il monte sur le stah, il monte en haut, hein, et il fait l'appel. Et tu l'entends, il n'y a pas d'immeuble, il n'y a pas de voiture qui marche pour faire du bruit, il n'y a rien. Le minaret, il monte sur le minaret, il fait l'appel. Tu peux l'entendre, il faut que tu ailles faire la prière là-bas. Si il monte dans le minaret, il fait l'appel, il n'y a pas d'immeuble qui entrave le son, il n'y a pas de voiture, il n'y a pas de bus, il n'y a pas de métro, il y a du calme. Hein? Si la mouche passe, tu l'entends. Ensuite, il fait l'appel et tu ne l'entends pas, tu n'es pas obligé d'aller. Wallahu ta'ala alam. Chéra, c'est à faire d'aller. Inch'Allah, je demande à mes frères de ne plus lever les bras. Muslim Kola, c'est le dernier, inshallah ta'ala. Il est 2h15. Barakallahu fikum. Jazakum Allahu khayran. Chira, stafadali. J'ai trouvé un travail dans lequel je revends des produits aux gens que je connais et je recrute aussi des gens pour ce même travail. À chaque fois que je recrute des prénoms, je touche un pourcentage de leur vente. Est-ce que cela s'assimile à l'usure? Est-ce licite? Demain, pour ce travail, nous faisons des réunions au téléphone à plusieurs pour d'autres formations. Il se trouve que c'est un homme qui nous forme. Je suis parfois amené à lui poser des questions ou à le contacter sans nommer uniquement dans le cadre de la formation. Est-ce licite? Voilà, et pour... En ce qui concerne, tu prends un pourcentage de leur vente. Yanni, est-ce que eux que tu recrutes, Yanni, ils sont d'accord pour que tu prennes, ou là, tu les obliges, tu leur dis, je te recrute, mais tu me donnes tant. yani un pourcentage à chaque fois que tu vends. Ou est-ce que c'est la société elle-même, par exemple, elle te dit à chaque fois que tu recrutes quelqu'un, je te donne un pourcentage. Il faut que je sache quelle est la vraie réponse ici. C'est la société qui demande, non, si à chaque fois que tu recrutes quelqu'un, c'est la société qui te donne, la société qui te donne, elle te dit par exemple, à chaque fois que tu recrutes quelqu'un, je te donne par exemple telle somme. Ça c'est permis. Mais si la société te dit, à chaque fois que tu recrutes quelqu'un, je lui enlève de sa part et je te donne. Ça, ce n'est pas permis. Si la société te dit, à chaque fois que tu recrutes quelqu'un, je t'enlève de sa paye une partie et je te la donne. Cette chose-là n'est pas permise. Mais est-ce que c'est pris sur le salaire des autres personnes? Riba, ça peut être appelé ainsi. La riba, c'est quand tu donnes de l'argent, on t'en donne plus. Peut-être on va appeler ça du suht. Ça s'appelle suht dans le Coran. Suht. Et keloun suht. Ça s'appelle comme ça dans le Coran. Ensuite, pour la deuxième question, il se trouve que... Naam, Inch'Allah ta'ala, quand c'est quelque chose d'obligatoire, quand c'est quelque chose yani, qui te dépasse, et que tu es obligé de poser des questions pour apprendre, etc., si le travail est permis, il est obligé de poser des questions. Il est permis de poser des questions. Si le travail n'est pas permis, donc poser une question, si aussi n'est pas permis, pourquoi? Parce que le travail lui-même n'est pas permis. Donc ça revient au travail. Si le travail est permis, on travaille dans quelque chose de halal, il y a quelque chose qui nous forme, bien sûr on peut lui poser des questions. Maintenant, si on travaille dans le haram, puisque le travail lui-même haram, donc yani, on ne doit pas penser à ce qu'on pose des questions, mais on doit penser comment yani, s'éloigner de ce travail pour chercher un travail qui est halal. والله تعالى أعلم. شيمة تفضلي. فيك بارك الله. Une sœur voudrait savoir concernant le hadith sur l'ascension nocturne. C'est quelle l'ascension nocturne? Je n'ai pas compris. Je n'ai pas compris qu'est-ce qu'elle veut dire par l'ascension nocturne. Est-ce qu'elle parle de l'ascension du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Naam.